Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Voilà, il avait envie de commencer cette année comme ça, et voilà, on ne peut que le saluer pour ça. Ah bah, alors, 2021, c'est bon, c'est la samba, c'est bon. Ça y est, cette émission ne devient plus du tout sérieuse en 2021, très bien. En même temps, on n'avait même pas prévu d'être là, on avait des doutes, les dernières émissions, on avait dit peut-être on sera là en 2021, on ne sait pas, on est là. Donc voilà, bonne année, bonne santé, tout, voilà, on vous souhaite tout le meilleur, même si tout va mieux passer désormais. On vous souhaite une moins pire année que ouais. 2020. En fait, ce que je vous souhaite, c'est une année normale. Voilà, genre un truc où on revient un peu. C'est une année un peu pérave, mais sans plus. Mais voilà, sans plus. Il se passe quand même des trucs cool, tu vois. Tu peux sortir, tu peux manger au restaurant. Enfin, des choses sympas que tu as envie de faire dans ta vie. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, a priori, bah voilà, on va continuer d'être là. Rendez-vous deux fois par mois. C'est toujours le même rythme qu'on maintient jusqu'au bout. Gros programme qui nous attend jusqu'à l'été. A priori, on va plus trop prendre de pause d'ici là. Non, bon, on va garder le même rythme en général. Voilà, on fait vraiment septembre à juin, on est sur le 15 jours. Juillet-août, on fait qu'un épisode par mois. À la rentrée prochaine, je pense qu'on aura peut-être des petites nouveautés. On était en train de réfléchir. On avait fait l'épisode bonus, peut-être que vous l'avez écouté. C'est vrai qu'il y a on eu avait parlé bonus, d'un ouais. nouveau palier Patreon parce qu'on avait envie de, peut-être de vous faire un peu interagir avec nous, vous faire un peu décider quels sont les jeux horribles auxquels je vais pouvoir faire jouer les deux petits jeunots. Influer sur la fameuse liste de fin du game qui est déjà quand même à peu près établie hein, jusqu'à l'été. Ouais, jusqu'à juin, juillet, on est bien trous, là. Mais voilà, on a déjà à peu près calé notre planning, ça c'est très cool. On vous remercie du coup, au passage, bien évidemment, de nous rejoindre sur notre Patreon. Encore une fois, même pendant les vacances, il y a des gens, ils sont là avant 2021, pendant voilà, le jour de l'an, il y a des gens qui prenaient cette décision. Oui, c'est vrai. Et je veux les embrasser pour ça. Merci, merci beaucoup de nous soutenir. Voilà, c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire cette émission de manière à peu près sereine, malgré tout ce qui va nous arriver en 2021. On n'est pas prêt, mais voilà, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. C'est aussi grâce à Third Edition, notre sponsor, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Mais pas que, ça, vous le savez si vous nous suivez. Les news, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe trop de choses, donc j'arrive pas à suivre moi, oui, tout oui, ce qui se passe. À chaque fois qu'on demande à Mehdi par mail, genre, c'est quoi ouais, votre c'est actu? C'est quoi les petites news? C'est une revue mail. Alors, bah, tiens, on voilà. a prévu 40 000 livres. C'est vrai que c'est un petit peu ça en ce moment chez Turn. Alors, ce qu'on peut retenir déjà, c'est qu'il nous a dit qu'on les a un petit peu devancés hein, sur l'épisode sur The Last of Us 2, puisqu'il oh, y aura teasing. Très probablement un livre sur la saga de Last of Us qui sera écrit par Nicolas Denechaud, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui avait déjà écrit le bouquin sur Uncharted. Ouais, voilà. Tout en le bouquin sur Monkey Island aussi. Voilà. Effectivement, un spécialiste de Naughty Dog. Donc, il y aura déjà ça. Et puis, ce qui va arriver aussi, c'est The Hidden History of Japan Games. History! Non, je vais pas le faire en japonais. En fait, vous ratez un truc. Hein. Je pense qu'on va mettre un palier Patreon pour les imitations non, japonaises. Non, non, attendez, de Hugo. On va pas tomber dans le racisme dès 2021. Ne faisons pas ça. Par contre, en fait, c'est intéressant parce que c'est un peu la première fois qu'ils vont faire ça. Third, qu'ils vont prendre un bouquin qui a déjà existé, qui a déjà été écrit, je crois, par des Américains, il me semble, et qui va être traduit en français. Et du coup, c'est un livre qui revient sur l'histoire un peu caché de certains grands jeux japonais. Alors, c'est pas tout à fait la première fois qu'ils font ça, hein, parce qu'ils ont déjà fait ça avec d'autres bouquins, mais à chaque fois, c'est vrai que c'est ils avaient fait ça par exemple pour un bouquin sur FF7, ils ont fait ça récemment avec les carnets de Jordan Mechner, le créateur de. Ah oui, d'accord. Il y en a un aussi sur le pixel art, je crois. De... Oui, exact aussi. Enfin voilà, ça a déjà été. C'est pas souvent, on va dire que c'est pas le truc qu'ils font le plus souvent, je mais n'ai par pas, contre. Voilà, je n'ai pas bien révisé la bibliographie Third Edition, je m'en excuse, je suis désolé, Mehdi. J'ai failli. Mais en tout cas, voilà, ça va être a priori un bouquin. Je pense assez intéressant parce que de toute façon, à chaque fois, les retours comme ça de créateurs japonais, là en plus, c'est quand même vraiment que des noms emblématiques. Bah, c'est voilà la grande histoire du jeu vidéo maintenant. Ça va être, je pense, très intéressant. Et c'est vrai que on sait qu'il y a plein de gens qui aiment le Japon. Voilà, on le sait. On le sait. Japon, a et priori. On les embrasse aussi. On oui, leur oui. souhaite aussi une bonne année 2021 parce qu'ils ont le droit aussi d'avoir une année comme ça. Voilà. Je crois qu'on a fait tout le protocole avant de commencer. Petite spoiler alerte, dans cette émission nous spoilons les jeux, ça déjà je peux le rappeler, peut-être que pour The Last of Us 2 c'est important, peut-être que là vous êtes sur Spotify, vous nous découvrez, quelle est cette émission, oh ils vont peut-être me parler de The Last of Us 2, oui mais attention on va spoiler parce que c'est ça le principe de l'émission. Et le deuxième spoiler c'est que c'est un épisode qui a été assez dense à préparer, il a été assez costaud, donc voilà, même pendant les préparations on a eu un peu du mal à se canaliser, j'espère qu'on y arrivera pendant cet épisode, voilà. On a envie C'est un jeu qui donne envie de parler, en fait, qui donne envie de parler de jeux vidéo, qui donne matière à discuter, parce que c'était un jeu extrêmement ambitieux, et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cet épisode, juste après une petite musique sélectionnée par nos sons. Last of Us Part 2, c'est comme ça qu'il s'appelle en vrai, c'est sorti le 19 juin 2020. Ça devait sortir à la base le 21 février, mais il y a eu quelques reports, souvenez-vous-en. C'est évidemment sorti sur PlayStation 4. Ça ne va pas ressortir a priori sur PlayStation 5, puisqu'il y a la rétrocompatibilité. Et oui, la technologie, c'est formidable. A priori, vous pouvez mettre votre galette dans votre PS5 si vous êtes l'heureux détenteur de cette console. Ça marche, j'ai vérifié, ça fonctionne. Ça fonctionne. Enfin une review objective. Voilà. Enfin, on vous donne des vraies informations objectives sur les jeux avant de commencer. Alors, évidemment, c'est un épisode aussi qui est un petit peu particulier parce qu'on a déjà fait un épisode sur The Last of Us. C'est la première fois dans l'histoire de ce podcast iconique qu'on fait la suite directe d'un jeu dont on a déjà parlé. Donc, on va pas forcément revenir sur toute l'historique de Naughty Dog, hein, Crash Bandicoot, Jak and Daxter, tout ça, vous connaissez. Mais par contre, on va peut-être revenir à l'après The Last of Us, un petit peu où en est Naughty Dog après que le jeu soit sorti, parce que bon, c'est quand même un jeu très important pour l'histoire du studio. C'est vraiment le jeu qui va hisser le studio en tant que faiseur de voilà ce triple A narratif blockbuster comme une référence vraiment dans le champ des triple A du... Ouais, bah c'est ce qu'on avait dit à l'époque, c'est-à-dire qu'on était passé de jeux vraiment très classiques avec des histoires qu'on avait déjà vues. Là, en plus, il essayait de faire quelque chose, il y avait tout ce délire autour de la paternité, ça a lancé toute la mouvance des dad games, etc. Mmh. Donc c'est un jeu qui a quand même fait date au niveau des triple A, et à partir de là, forcément, Sony les regardait un petit peu du coin de l'œil, du genre vous restez nos chouchous, quoi. Oui, c'est vraiment devenu les chefs de file hein, de l'écurie Sony avec ce... Bon, c'était déjà un petit peu le cas, Uncharted 2 avait quand même déjà posé pas mal de choses, mais The Last of Us a vraiment fini de les imposer comme le studio référence. Bah, nous, on le disait, à l'époque, on mettait des petits sous-titres sur nos épisodes qui se voient pas sur toutes les plateformes de podcast. Je crois qu'on a mis le triple A mature. Mm. Alors, pas forcément dans le sens où nous, on considère que voilà, c'est un jeu incroyablement mature ou quoi, mais à l'échelle de l'industrie triple A, comme vous l'avez dit, The Last of Us, ouais, il y avait ce côté un petit peu violence, un peu justifié avec les dad games. Ils ont trouvé un peu le bon filon pour justifier toute cette violence qu'on pouvait pointer du doigt sur Uncharted, et une histoire qui a touché beaucoup de gens, tu vois. Là, on a terminé 2020, il y a eu tous les meilleurs jeux de la décennie, on y a eu droit en 2019 et en 2020 en fonction du calendrier Maya. On y aura aussi en 2021, je pense que ça reviendra. Il y a eu le meilleur jeu de la génération, hein, ouais, ça aussi. Ouais. Mais du coup, The Last of Us, c'est considéré comme un des meilleurs jeux pour l'Occident, en tout cas, c'est un des jeux qui a le plus marqué son époque. Et comme tu le dis, Naughty Dog au top et Bruce Straley et Neil Druckmann, qui étaient donc les deux co-directeurs. Juste pour rappeler les chiffres, hein, c'est 20 millions d'exemplaires, hein, le premier The Last of Us. Et je crois qu'il y en a peut-être même plus qui sont vendus sur PS4 en version remastered que la version PS3. C'est possible, c'est tout à fait possible. Finalement, c'est les deux personnalités qu'on va suivre et qui sont vraiment, comme tu le dis, devenues des stars après le jeu. Alors, Neil Druckmann, lui, qui commençait son ascension depuis un petit moment au sein de Naughty Dog, alors que lui, Bruce Straley, avait déjà été co-directeur sur Uncharted 2. Et chez Naughty Dog, la suite, ça va être Uncharted 4. Mais à la base, le projet était dirigé par Amy Hennig et son équipe, mais ça va pas bien se passer. Ils n'arrivent pas forcément à faire fonctionner, arriver à trouver quoi faire de ce quatrième épisode. Qui était développé en parallèle de Last of Us 1, on précise. Enfin, ils en étaient encore un petit peu vers le début. Oui, c'était le début quand même du développement. Le projet projet n'était pas non plus très avancé, mais du coup, bah, c'est vrai que dès la sortie de The Last of Us, il y a Left Behind quand même, il y a le petit DLC qui sort, mais bah, Neil Druckmann et Bruce Rowley vont reprendre le bébé Uncharted 4, puisque bah, Amy Hennig n'arrivait pas forcément à faire fonctionner, à trouver une solution. Et c'est surtout... le moment où elle part, en fait, elle part, donc elle rejoint malheureusement feu Radical Games, ouais. Puisqu'elle était censée travailler sur les épisodes Star Wars 13, ouais, etc. Et bon, depuis maintenant, il me semble qu'elle a son propre studio. Voilà, bon, je crois qu'on avait déjà un peu salué son nom, parce que c'est quand même une grande dame du jeu vidéo. C'est possible. C'est Soul River, donc déjà rien que pour ça, moi, dans mon cœur. C'est pour ça que tu nous saoules, exactement. C'est pour ça qu'elle nous dit rien à la base. Par contre, ce qui est intéressant, on en a discuté juste avant, c'est qu'à l'époque où Amy Hennig part de Naughty Dog, il y avait eu des rumeurs qui avaient été justement portées par un journaliste chez Kotaku qui avait dit que c'est parce qu'il y avait des espèces de conflits de pouvoir et que c'était Neil Druckmann et Bruce Rowley qui les avaient un peu participé à la poussée à la sortie. Planche. Alors qu'en fait, bah, ce n'était pas du tout vrai. Alors déjà, il y a eu un démenti de la part de Naughty Dog, mais surtout, on a appris récemment, bah, le journaliste qui avait publié cette histoire avait expliqué qu'en fait, c'était Kotaku et la boîte au-dessus qui avait fait pression pour qu'il laisse entendre cette idée, qu'il y avait des conflits internes et tout pour rendre l'histoire un peu plus juicy, comme on dit en anglais, mais ce n'était pas vrai, hein, c'était pas fondé, donc c'est vraiment... Et ce qui est ouf, c'est que tu te dis que ça, c'est facile d'y croire parce que tu peux facilement accrocher à ce genre, tu sais, de plot façon un peu soap opéra où tu imagines le monde du jeu vidéo comme une espèce de drama que tu regarderais à la télé. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, la réalité est très différente. Même Amy Hennig, elle a eu l'occasion de démentir ça à plusieurs occasions. En fait, elle voulait simplement changer un peu de truc. Le projet Uncharted 4, manifestement, de tout ce qu'on peut savoir de ce jeu-là avant la reprise par Druckmann et Tralley, ça allait pas du tout. Vraiment, c'était vraiment le genre de projet maudit. Donc, bah, on peut comprendre que des gens, en fait, arrêtent tout simplement et se disent, bon, bah, j'y arrive pas, on laisse la place à quelqu'un d'autre, tout simplement, hein, ça fait partie du jeu. Et là, encore une fois, bah, ils vont réussir le taf, hein, puisque bon, Uncharted 4, quoi qu'on en pense, c'est aussi une réussite commerciale critique. Je crois que c'est 16 millions de ventes, hein, c'est énorme. C'est un gros truc. C'est un gros score, et puis bon, le jeu est quand même réussi à plein d'égards. C'est un jeu, d'ailleurs, qui réussit, à mon sens, assez bien à donner un regard sur la série, à prendre un peu de recul sur, justement, ce qu'avaient fait les trois épisodes, et essayer de se relire un peu lui-même. Bah, on parlait de l'influence de Last of Us, Last of Us a complètement influencé Uncharted 4, hein. Il y a vraiment beaucoup de procédés narratifs, et même l'idée de mettre beaucoup de narratifs dans Uncharted 4, ça se sent complètement. Ouais, parce que d'un coup, le jeu, il tourne vraiment que autour des personnages et des relations des personnages, et ça, en fait, bah, c'est le cœur de The Last of Us, c'est-à-dire que c'est des histoires qui sont créées à partir de personnages, à partir de leur personnalité, ce que vont faire les choix de ces personnages-là, c'est ça qui détermine tout le reste. Oui, et puis beaucoup moins d'action, enfin, voilà. Oui, il y a beaucoup de scènes de narration, et bon, on sent la patte de Druckmann et Strolly, mais Uncharted 4, notamment, alors bon, c'est en partie parce qu'il y a eu ces soucis avec sur la début de production, mais c'est beaucoup de crunch. Ça a été un projet qui a été extrêmement difficile à mener pour les équipes de Naughty Dog, surtout qu'ils avaient peu de temps pour sortir un jeu qui est quand même assez costaud et impressionnant. Et bah, ça va complètement cramer Bruce Trolley qui va faire vraiment un burn-out, hein, après le jeu. Il va partir en vacances pendant 6 mois, genre je vais chercher des cigarettes. Voilà, il va vraiment aller chercher des cigarettes et 6 mois après, on apprendra que il ne reviendra pas chez Naughty Dog pour The Last of Us 2, même si entre-temps il y a eu aussi Lost Legacy, et là aussi ce sera un projet très difficile à mener pour Naughty Dog. Ils sont vraiment dans un engrenage depuis un moment, hein, depuis la génération précédente, mais là sur toute cette génération, et on le verra avec The Last of Us 2, ils ont vraiment été en mode ils ont vraiment détruit pas mal de gens au passage, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens de lead d'Uncharted 4 en fait qui ont quitté Naughty Dog à ce moment-là, et on aura l'occasion d'y revenir, mais le The Last of Us 2, c'est vrai qu'une grosse partie de l'équipe, c'était les anciens juniors du premier qui sont devenus lead, parce qu'il fallait remplacer les personnes qui étaient parties, quoi. Bah, ça, puisqu'on en parle, hein, les références en général, quand on parle du crunch chez Naughty Dog, c'est un article de Jason Schreier qui est sorti un peu avant la sortie du 2, et il y avait aussi, je crois que c'est Anthony Cooper son nom, un animateur chez Naughty Dog qui avait fait tout un thread Twitter, parce que lui, il a bossé sur The Last of Us 2, mais il est parti avant la fin du développement, et il disait notamment, il révélait que... Alors, Jason Schreier lui avait dit que il y avait genre 70% des leads qui étaient partis, je crois, depuis Uncharted 4, et Anthony Cooper disait concrètement ce que ça représente comme problème, c'est que du coup, t'embauches beaucoup de juniors, tu fais venir beaucoup de gens qui sont pas Naughty Dog ou qui sont du sang très frais, et du coup, les seniors perdre beaucoup de temps à les former. En fait, et il dit, bon, lui disait clairement, ouais, si on n'avait pas eu tous ces leads qui étaient partis, le jeu serait déjà sorti. Donc il y a eu toutes ces affaires qui étaient un petit peu révélées. Bon, après, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, il y a peut-être un peu punchline, mais c'est vrai que on sent, en tout cas, des histoires qu'on a pu avoir, sachant que voilà, il y avait aussi le livre Blood and Sweat and Pixel de Schreier qui parlait du développement d'Uncharted 4, que voilà, il y a une situation un peu chaotique, c'est difficile parce que bah, c'est des gros crunchers chez Naughty Dog, c'est très connu, hein, c'est vraiment une culture d'entreprise qui a été instaurée depuis très longtemps, hein, les gens qui l'ont fondé, Christophe Balestra, c'est ça, qui est un des fondateurs, je crois qu'il l'a rejoint, mais dans les années 90. Il est arrivé assez tôt, il est devenu dirigeant très tôt. Ouais, bah je crois que c'est dans l'article de Schreier où il dit que c'est en partie lui qui a instauré le système de pas de producteur, en fait, pas de personne du coup qui va faire en sorte qu'on tienne les délais, les budgets. La gestion de projet, c'est tout le monde s'autogère en projet, donc forcément, quand on fait les plus gros projets du jeu vidéo, c'est compliqué à gérer. Le pari, c'est d'embaucher des gens, et ça, c'est pour le coup, c'est vrai, ils vont en parler en entretien et tout, d'embaucher des gens qui veulent cruncher, qui sont des workaholics, mais le souci, c'est que, bon, voilà, comme on l'a dit, c'est que 5 ans après, c'est pas forcément des gens qui sont dans le même état d'esprit, ils peuvent vouloir une vie de famille, etc. Et le truc, c'est quand la culture d'entreprise est pas faite pour ça, bah oui, les gens se cassent tout simplement ou font des burn-out. Et c'est vrai qu'on parle de Bruce Trolley parce que c'était quand même un des mecs au top, c'est un des visages qui a été mis en avant par la communication, etc. Ouais, mais c'est même un mec comme ça, tu vois, il a burn-out, il a pas tenu. Bon, c'est vrai que c'est assez violent. Et ça fait partie de ces nombreuses personnes où on l'oublie, mais voilà, le fait que toute l'industrie du jeu vidéo perde ces talents-là petit à petit, bah, en fait, c'est compliqué parce que ça prend du temps à effectivement revenir à un même niveau. Puis surtout, bah, c'est tout ce boulot-là, toute cette expérience dont on ne profitera plus jamais, quoi. Exactement. Donc c'est perdu pour un, deux, trois jeux, etc. Donc, sans compter les gens qui ne veulent pas aller dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'ils ont peur du coup. Ouais. Moi j'ai déjà vu des témoignages de gens qui disent en fait j'étais intéressé pour faire du jeu vidéo et tout, et une fois qu'ils ont vu que c'était comme ça, ils sont même pas allés en école ou quoi, ils ont dit non, je tente pas ma vie dans le jeu vidéo. Donc tu perds aussi des choses dont tu te doutes pas. Bref, on passe un petit peu de temps là-dessus, mais parce que ça marque l'histoire de Naughty Dog, clairement, et de ses schémas de production, et de l'histoire qui va suivre The Last of Us, malgré le fait qu'il soit au top d'un point de vue critique et commercial, il y a tout ce qui se passe dans l'entreprise. Néanmoins, Neil Druckmann, il va quand même, il va devoir s'entourer d'une nouvelle équipe pour ce deuxième épisode. Il va notamment faire appel à une femme qui s'appelle Hayley Gross, qui était notamment screenwriter, autrice, je crois qu'en français... Oui, il me semble, ça. Sur la série Westworld, que vous connaissez peut-être. Elle a travaillé sur d'autres projets aussi, sur HBO, hein, donc c'est quelqu'un qui vient du monde de la série et qui a rejoint donc Naughty Dog en tant vraiment que co-lead narrative, vraiment pour accompagner Neil Druckmann sur toute la partie scénario, narratif. Elle est arrivée quand même pas au tout début du projet, hein, elle a rejoint en cours de route. Apparemment, le projet était quand même déjà à peu près établi dans les grandes lignes, mais elle a beaucoup apporté dans le ficelage, on va dire, de ce qu'est ce jeu, surtout que pour c'est un jeu, on va en parler, qui est très ambitieux sur le plan narratif, donc on peut sentir sa patte, surtout quand on connaît un petit peu la première saison de Westworld, enfin moi c'est la seule que j'ai vue, qui était aussi, des ficelles, il y en avait pas mal. Et puis on reviendra peut-être dessus plus tard, mais c'est aussi un jeu dont le scénario a changé, a évolué, parce que bon, c'est un développement de quoi, environ 4 ans, c'est ça? Ouais, même 4-5 ans en fait, si ça a dû commencer à être bidouillé un peu avant la Uncharted 4, j'imagine que... En tâche de fond, il y a toute une série de podcasts qu'on vous recommande, qui ont d'ailleurs été doublés en français, si vraiment vous avez du mal avec l'anglais, qui s'appelle donc The Official Last of Us Podcast, qui sont disponibles sur toutes les plateformes comme d'habitude, où en gros donc Neil Druckmann et d'autres interviennent et il explique lui que depuis le début il réfléchissait à ce qu'il voulait faire en fait avec ce Last of Us 2, donc c'est un process qui a pris vraiment, ça a mis du temps à maturer tout ça. Scénaristiquement, il y avait déjà des idées de vouloir prolonger le 1, etc., après l'FBI aussi, mais bon, après comme on l'a dit, il y a eu Uncharted 4, il y a eu Lost Legacy, donc de toute façon le développement n'a pas commencé avant 2016 et même 2017 où là toute l'équipe a vraiment pu rejoindre. Après c'était bon pour histoire de le caler, ils étaient deux fois plus je crois sur le développement de Last of Us 2 que du 1, mais oui c'est ça, Neil Druckmann avait déjà ses idées un peu scénaristiques et les a présentées à Eli Gross qui était là pour porter du muscle un petit peu à tout ça, relier un peu toutes les parties, mais elle était aussi là si jamais ça changeait, tu vois, elle était là du coup pour apporter un petit peu son avis, son expertise. Et puis les deux autres personnes clés, en tout cas vraiment au lead, hein, parce que encore une fois tu l'as dit, il y a deux fois plus de monde, hein, sur The Last of Us, donc vraiment c'est un chantier humain qui fait intervenir énormément de monde. C'est pas le jeu d'un seul homme, voire de que simplement quatre personnes, il faut bien le dire. Mais il y a Kurt Margeneau, alors je sais pas si je prononce très bien son nom à l'anglais, mais en tout cas, et Anthony Newman qui sont vraiment les deux gameplay lead, les gameplay designers en fait, les deux têtes sur le gameplay. Et Kurt Margeneau notamment, lui c'était bah, le director sur Lost Legacy. Ouais. Donc des anciens leads, on va dire, les quelques leads qui restent, qui ont vraiment rejoint en fait bah, le centre de pilotage du projet. Qui, on va dire, de manière un peu non officielle, joue en fait ces rôles de producteurs. C'est-à-dire que comme ils avaient ces deux têtes pensantes en même temps, bah, ces deux personnes-là, il y en a un des deux, donc je ne sais plus si c'est Anthony Newman ou Kurt, l'autre, dans le podcast, qui explique qu'un de ses rôles, c'était simplement de s'assurer que toutes les différentes équipes communiquaient bien entre elles, que tout le monde était bien, on va dire, tu vois, synchronisé quand il y avait des nouvelles idées. Parce que par contre, ce qu'on apprend dans le podcast et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que effectivement, c'est loin d'être le jeu d'un seul homme. Druckmann ne se met pas du tout en avant. Au contraire, il y a tout un tas d'idées où régulièrement, c'est dit « Ah oui, alors ça, c'est telle personne de tel sujet qui a pensé. » Et c'est une idée qui est super importante dans le jeu final. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même beaucoup de communication au sein de cette équipe-là et qu'ils ont réussi à maintenir ça malgré la surcharge de travail qui a été folle. Parce qu'ils ont, en gros, tout ce qu'ils ont fait pour The Last of Us 2, ils ont... changer tous les outils qu'ils avaient de Uncharted 4, ils ont revu tout leur moteur, ils ont absolument changé toute leur techno, donc ils ont dû tout réinventer et recréer de zéro. Et puis ils ont voulu tenter des choses. Au tout début du développement, on était parti sur un open world, hein. C'était ça l'envie du studio. Alors on en discutait un petit peu entre nous, c'est vrai que ça peut paraître surprenant de la part de personnes qui font peut-être ce qui se fait de mieux en termes, ce qui se fait de mieux, en tout cas une référence dans l'aventure linéaire, très narrative ou très cadrée comme ça, vraiment ce gameplay, ce game design de marionnettiste un petit peu qu'il y a chez Naughty Dog. C'est vrai que c'est étonnant de se dire que ces gens-là voudraient faire de l'open world, se risquer à faire de l'open world, mais bon, on peut se dire que voilà, c'est clair qu'en 2015-2016, c'est une envie qu'on peut comprendre parce que bah voilà, c'est ce que font tout le monde faisait ça à l'époque. Ah, donc ouais. Mais voilà, ça a pas duré. Ça a duré un an et puis ils se sont rendus compte que ça marche pas vraiment, qu'ils arrivent pas forcément à le faire et surtout que bah, comme ils veulent raconter leur histoire, c'est ça qu'ils veulent vraiment faire. Bah, l'open world, c'est un outil difficile à appréhender pour raconter des histoires comme sait le faire en tout cas Naughty Dog. Il y a quand même une rémanescence hein, de ce truc là qui est la séquence à Seattle ouais, donc avec Ellie et Dina où on est à cheval, où il y a une carte, et qu'on peut naviguer un peu entre eux, il y a des petits points d'interrogation, des petits points d'intérêt, on peut faire les choses un peu dans le désordre, et qui est un passage d'ailleurs assez réussi, même si on pouvait déjà retrouver un peu les bases de ça dans Uncharted 4 et Lost Legacy. Bref, de toute façon, les jeux Naughty Dog, hein, on voit qu'ils se suivent, ils construisent les uns sur les autres. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un jeu qui a mis vraiment beaucoup de temps effectivement à trouver sa forme finale, même jusqu'aux dernières secondes, il y a des choses qui ont été coupées, qui ont été enlevées, il y a eu plusieurs interventions de personnes qui disaient que s'ils avaient pris 6 mois de plus, le jeu aurait été peut-être encore un petit peu différent. Comme toujours. Comme toujours, hein, effectivement, ça là-dessus, c'est une porte ouverte. Un truc qui a vraiment marqué les derniers mois avant la sortie du jeu, c'est les fameux leaks, des informations qui ont fuité, qui ont révélé ce qui, a posteriori, était complètement la vérité, hein, donc la mort de Joël, le passage ou le fait que le jeu soit à moitié Ellie, l'autre moitié Abby, ça c'est un truc qui a été leak assez tôt et en fait ça a commencé à générer et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur le crunch jusque là, c'est qu'il y a eu en fait une espèce de brouhaha autour, avant même l'arrivée de The Last of Us, qui était assez rare dans l'histoire du jeu vidéo. C'est à dire que bon, on avait compris depuis quelques années que les gens sur les réseaux sociaux ils aiment bien râler, ça pas de souci, on a eu l'occasion de s'en rendre compte là vraiment à l'arrivée, plus le moment où The Last of Us 2 allait sortir, plus il y avait ces trucs qui ont gonflé et ça a continué une fois que le jeu était sorti. Ouais, parce que non seulement on avait les leaks mais aussi des mensonges qui se sont mêlés à ça, alors des trolls, bon c'est pas, je sais pas vraiment comment ça a démarré, mais du coup on avait des vraies infos, des fausses infos et bah, du point de vue du studio forcément ils étaient désemparés face à ça parce qu'ils pouvaient pas dire ah ça c'est faux, ça, sous-entendant que ça c'est vrai, ouais, tu c'est vois ça, ouais. Enfin, forcément t'es obligé de regarder le spectacle. Le jeu en plus avait été retardé au dernier moment de 3 semaines à cause du Covid parce que fallait approvisionner tout simplement. Oui, pour des raisons logistiques. Ouais hein. C'est ça, hein, pour approvisionner en boîte de jeux, etc. Forcément, quand il y a le confinement et que les magasins sont fermés, c'est plus compliqué. Bah, ils sont complètement impuissants face à ça. Il y a eu... parce que les jeux Naughty Dog aussi, il y a souvent des représentations. C'est que Ellie, elle est lesbienne depuis lesbienne. En tout cas, elle avait une histoire d'amour avec une fille. Je sais pas à quel point on savait ou pas qu'il y avait des représentations trans dans Last of Us 2 à ce moment-là. C'était peut-être sous-entendu, montré, ou peut-être que c'est des gens qui mentaient et finalement ils ont eu raison. En fait, c'est compliqué de démêler un peu tout le vrai du faux. Ce qui est compliqué, c'est que personne n'avait joué au jeu. Ouais, déjà, que, comme on est dans une industrie où l'information elle est complètement verrouillée et que personne n'a le droit de dire quoi que ce soit, en fait, à partir du moment où il y a des gens qui allument une mèche derrière, bah, de toute façon, ça fait feu de tout bois et c'est rumeurs et compagnie et on peut pas vérifier. Ouais. Et des gens se sont mis à attaquer Naughty Dog parce qu'il y avait des représentations de différentes sexualités, différentes typologies et du coup, Neil Druckmann s'est aussi pris des insultes antisémites. Enfin bref, il y avait vraiment de tout, on les a accusés de tous les maux avant que le jeu sorte en fait. Exactement, le jeu n'était pas sorti, c'était un vrai brouhaha. Il y a des vidéos, enfin il y a une vidéo justement, il en parlait de Rockman, qui a une vidéo qui a fait presque 1 million de vues, où justement il parlait de voilà que Ellie elle se faisait chasser parce qu'elle était lesbienne et qu'un culte religieux la pourchassait et tout, enfin alors des choses qui étaient totalement fausses, mais qui alimentaient en fait tout le discours qui entourait le jeu avant sa sortie. Et le problème, bah, les gens qui n'avaient pas envie de se spoiler, la plupart des gens en fait tout simplement qui se disent bah j'ai envie de rester dans tout ça. Bah on se prenait des trucs et on savait pas sur quel pied danser, et c'est vrai que c'était assez chiant pour nous je pense, l'audience, mais clairement pour le studio ça a dû être très très difficile à vivre, surtout que il faut le dire, ce leak hein, n'est pas venu d'un truc interne, ce n'est pas Sony, ce n'est pas Naughty Dog, on a appris plus tard que c'était un presta externe apparemment qui avait vendu un peu la mèche, et c'est vrai qu'il faut le dire, c'est vrai que moi j'aime pas trop ce côté là de l'industrie, son côté extrêmement secret et tout, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu, mais par contre c'est vrai que par rapport à ce qu'avait envie de faire Naughty Dog avec The Last of Us, il y a des surprises, hein, il y a des choix qui ont été faits qui sont surprenants et qui ont été cool à découvrir en tant que tel dans le jeu. Bah, ils ont voulu être très protecteurs et forcément ça a créé bah, tout cette espèce de truc qui était un peu chiant. Quoi. Et comme on le disait, ça c'était avant le jeu, il y a eu les rebondissements comme tu le dis, est-ce que c'est un ancien du studio ou quoi, donc ça a duré vraiment plusieurs jours. Comme on le disait, l'article de Jason Trevor sur le Crunch est sorti avant aussi le jeu, donc il y avait aussi ça en plus d'un autre côté. Il y a tout ce discours autour de The Last of Us 2, un jeu qui n'était pas encore sorti. Ensuite le jeu sort, et là on dit il y a des trucs qu'on va découvrir, on reviendra en détail dessus, mais il y a Joel qui meurt très tôt. Il y a aussi, on se rend compte que les trailers en fait étaient trompeurs. Oui, c'est vrai. Ça c'est inspiré en partie de MGS2, hein, puisqu'on va incarner quelqu'un qui n'est pas Snake, on va pas rentrer dans les détails, mais Neil Druckmann le dit que c'est complètement inspiré de ça, parce qu'il avait trouvé ça super cool, mais il y a des gens qui ont été très déçus, puisqu'on voit Joel à un stade assez avancé du jeu, et en fait on voit que c'est un caractère swap, en fait c'est Jesse qui a ce rôle là, et en fait Joel il meurt bien avant. Et des gens ont été désemparés face à ça, en fait, ils ont dit, ils voient Joël mourir, donc déjà, il y a toute cette tristesse pour des gens qui se sont attachés au personnage, ok. Mais en plus, il y a ce côté, putain, ils m'ont menti, quoi, ils n'ont pas digéré ça. Et donc, le jeu s'est fait review pour toutes ces raisons qu'on a citées, les leaks, les représentations, les trucs, le, entre guillemets, mensonge. Alors oui, c'est un mensonge, mais bon, là, pour le coup, c'était pas... C'était nécessaire, ils avaient besoin, en fait, de faire, c'est un tour de passe-passe, en fait, hein. Ils avaient besoin de ça. Ah non, je parle de Joël dans le trailer. Oui, non, mais justement, c'est besoin. C'est une volonté artistique. C'est... Ben, ça aurait été dommage, je pense, de nous... Oui, alors, ils n'étaient pas obligés de le faire, je suis d'accord avec toi, mais c'est-à-dire que... Je trouvais ça intéressant qu'ils essayent de préserver cette surprise-là pour justement pas gâcher entre guillemets la découverte. Après, non mais ils ont trompé, ils n'étaient pas obligés de montrer Joël à un stade avancé du jeu. Non mais moi je dis pas ça. Quand je dis c'est un mensonge, je trouve ça bien. Enfin, je veux dire là en l'occurrence, moi je trouve ça intéressant, tu vois. Mais effectivement, ils ont trompé leur monde. Ça, bon, c'est pour le coup. Il y a des gens qui ne l'ont pas digéré. Voilà, c'est tout ce que je dis. Hein. Oui. Et du coup, après, le jeu était review bombé de ouf. Aussi, voilà, Abby, le personnage Oui, il y avait ça. Il y a eu énormément de trucs comme ça. Les gens, ils ont jamais vu de nana qui fait de la muscu. Ou alors, ils vont te dire, quitte à autant en parler maintenant, puisqu'on y est, je t'interromps juste pour ça. Parce qu'il y avait ce côté, Abby, voilà, elle est extrêmement musclée. Ils disent, dans un monde post-apo où on ingère pas assez de calories, elle peut pas être assez musclée. Non, mais si tu commences à t'attarder sur ce genre de détails, t'étais où pour tous les autres trucs jeux Naughty Dog qui ne sont pas réalistes. Voilà, c'est juste de la haine des femmes. Il y a bien pas sûr, besoin de chercher plus. C'est comme d'habitude. C'est juste de la misogynie. On a l'habitude maintenant, malheureusement. Bref, voilà. Par contre, encore une fois, ça a engendré des menaces de mort sur l'actrice qui a joué, sur Laura Bailey, meuf, donc la doubleuse, dont le visage de Abby est tiré, qui s'appelle Jocelyne, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui était juste une VFX artiste chez Naughty Dog. Elle a juste été prise comme ça pour le modèle d'Abby parce qu'ils savaient pas trop au départ qu'elle allait avoir une si grande importance, et elle s'est fait harceler à un point, elle a dû couper tous ses réseaux et tout, alors qu'elle bosse, je crois, même plus chez Naughty Dog. Enfin bref, encore une fois, c'est un jeu qui a fait ressortir tout le pu de notre culture gaming. Et bon. Et je trouve que c'est assez symptomatique du fait que, en fait, même si on peut leur reprocher de peut-être pas aller assez loin sur certaines de leurs représentations, parce que c'est des choses qui, au sein des différentes communautés LGBT, etc., posent pas mal de débats, on voit bien que sur une échelle peut-être un peu plus mainstream, ils dérangent, tu vois, vraiment par ce truc-là. Et on regardait sur Metacritic, enfin, je crois que j'ai jamais vu ça, il y a plus de 150 000 user reviews et le jeu, il a 5. Énorme. C'est-à-dire que c'est soit 10, soit 0. Le jeu, il polarise de ouf. Et encore aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui continuent de rajouter des 0 ou des 10 en disant c'est le meilleur jeu de la vie ou c'est le pire jeu de l'univers. Enfin, tu vois, Après, faut juste faire gaffe à un truc. Donc, ça, il y a eu toute cette base de gens juste haineux qu'on. pas digéré la mort de Joël, qui n'ont pas digéré le physique d'Abby, qui n'ont pas digéré certaines représentations. Donc ça, clairement, il y a toute cette base haineuse qui met du 0 pour 1. Après, on viendra sur d'autres choses plus tard en détail, mais c'est vrai que c'est un jeu polarisant. Après, pour d'autres raisons aussi, pour ses oui, choix aussi, vraiment... Oui, non, mais là c'est parce que, en fait... Voilà. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas aimé The Last of Us 2 pour des raisons tout à fait légitimes. Ouais, ouais. En fait, là, c'était tous les gens qui n'aimaient pas The Last of Us 2 avant d'y jouer, avant même de savoir ce que c'était, etc. Enfin, c'est parti, je pense que c'était, comme tu l'as dit, un des mauvais moments du jeu vidéo. On a vraiment vu ce qu'on est capable de faire de pire avec cette sortie-là qui a engendré des problèmes pour tous les créateurs et les créatrices. Enfin, du coup, tu te dis, bon, c'est cool qu'à la fin, tu vois, elle aurait bailé la doubleuse de Abby, elle reçoit des prix et tout, parce que ben, quand tu te dis à quel point elles ont souffert après, tu fais, mais pourquoi leur imposer ça, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ce qu'on envoie comme signal à beaucoup de talents, c'est ne venez pas chez nous, parce qu'en fait, on est vraiment relou, en fait. Donc, ne venez pas. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on se prive et on gâche des choses qui peuvent être intéressantes, du talent, parce qu'on a cette espèce de truc un peu pourri. Alors, encore une fois, je sais que les gens vont dire, faut pas faire de généralité, c'est les réseaux sociaux. Et oui, vous avez raison, c'est la vérité, c'est pas la majorité. Mais malheureusement, c'est à ces endroits-là que tout ça se cristallise et que ça peut être... Il y a une déferlante qui peut être très forte, en fait. Même si elle est menée que même par quelques personnes. Nous, si on considère qu'on ne fait pas partie du problème, etc., bah, il faut aussi le dénoncer, parce que ce n'est pas en continuant de faire comme si de rien n'était que ça avancera, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est vrai qu'au moment où sort le jeu, beaucoup, beaucoup de tumulte. Au final, on parlait assez peu du jeu, de ce qu'il essayait de faire. Et c'est pour ça qu'on est là, tout simplement. Fin du game, voilà. Oui, parce que là. Bon, par contre, la réception critique, elle est juste unanime. Hein. Le jeu, il est à 93 sur Metacritic. Vraiment, tout le monde a adoré. À la fin de l'année, les Game Awards, bah, on l'a vu, hein, c'est un des c'est jeux vrai, qui a été gagné, plus primé. Il a quasiment le tout jeu gagné. De l'année, ouais. Jeu de l'année, la musique, enfin plein de trucs. Enfin non, pas la musique, je crois que c'est le sound design, les doubleurs, etc. Il y a vraiment eu un gros truc et le jeu a cartonné. Ouais. Il s'est extrêmement bien vendu. En tout cas, son démarrage. Voilà. Oui, oui, au démarrage, il a très bien marché. C'était meilleur démarrage. Je crois que c'était 4 millions en 3 jours. 5 millions, je crois qu'à 5 millions, très rapidement. Depuis, on ne sait pas. En fait, on n'a pas eu d'autres chiffres. On s'attendait peut-être, ils annoncent les 10 millions ou quoi. Donc on ne peut pas affirmer que sur le long terme, il a rejoint Last of Us 1 ou même Uncharted 4 ou d'autres jeux. En tout cas, voilà, on sait que son démarrage a été fifou. Depuis, on sait pas trop. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de communication là-dessus. Donc voilà, on sait qu'il y a bon démarrage, mais on sait pas trop où on est aujourd'hui. Bon, on se fait pas trop de soucis globalement. Non, ça devrait bien se passer, pour Naughty Dog, ça devrait bien se passer. Voilà, ça c'est pour la sortie du jeu. Le contexte de création, on y reviendra tout au fil de l'analyse, parce qu'il y a des éléments qu'on a appris justement à travers des interviews qui vont nourrir un petit peu cette analyse. Pour l'instant, on va rentrer dans l'histoire du jeu, parce que là aussi c'est un gros morceau, hein, c'est un jeu qui est très narratif. Peut-être avant, revenir un petit peu sur sur quel pied on commence à danser, puisque on va revenir très rapidement. Le mauvais pied, effectivement, avec le premier The Last of Us qui racontait donc l'histoire de Joël et Ellie. Joël qui était dans ce monde post-apocalyptique, hein, où il y a des espèces de zombies qui ne sont pas des zombies parce qu'ils sont infectés. En fait, c'est comme des petites fourmis. Vous avez vu le documentaire de la BBC, c'est pas du tout pareil. Bref, donc c'est un monde post-apo avec des zombies. Et Joël qui tente un peu de survie dans ce monde, qui a fait plein de trucs plus ou moins pas très bien pour survivre, et qui au moment du jeu se retrouve à devoir transporter, on dit smuggle en anglais, mais j'arrive pas à trouver le mot, à faire passer, en fait c'est un passeur. C'est de la contrebande, quoi. Oui, voilà, il va faire passer cette jeune demoiselle qui s'est fait mordre par un des infectés, mais qui a survécu, l'enfant qui a survécu. Et du coup, Joël doit emmener Ellie au repère des Lucioles, qui est une espèce d'organisation comme ça qui essaie de survivre, pour éventuellement faire un vaccin à partir de cette jeune demoiselle. Le truc, c'est qu'ils vont parcourir toute une partie des États-Unis ensemble, ils vont passer beaucoup de moments l'un avec l'autre. Au début, ils s'aiment pas trop, mais après, évidemment, ils s'attachent, et ils s'attachent à tel point que Joël, au moment de laisser Ellie chez les Lucioles, il apprend que pour fabriquer ce vaccin, il va falloir la tuer. Et le problème, c'est que Joël, au tout début du jeu, il avait perdu sa fille, sa fille à lui. Et il avait construit cette relation de fille adoptive avec Ellie, mais cette fois-ci, on va pas lui enlever. Et du coup, le jeu se termine sur une scène qui est très marquante, où Joël rentre dans cet hôpital, massacre tout le monde, récupère Ellie et part avec elle en lui disant en fait, ça marche pas. Il y a plein d'autres gens comme toi, ils vont trouver un vaccin. Salut. T'es gâté. Et Ellie le croit pas trop, mais voilà, ça se terminait comme ça, sur cette espèce de mensonge un peu essentiel de Joël, quand ils allaient rejoindre à Jacksonville. Jackson ? Ouais, je sais plus si c'est Jackson. Ouais, je dis toujours Jackson, mais Jackson, y a pas de... en tout cas, où il y avait le frère de Joël, donc Tommy, qui était installé avec sa meuf, et ils vont pouvoir retrouver une vie paisible. Oui, c'est ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est les deux choix, en fait, de Joël. On reviendra sur tout ça plus tard, mais c'est ça, c'est sacrifier l'humanité, en tout cas empêcher la création d'un vaccin pour sauver Ellie, et en tuant des personnes qui voulaient faire un vaccin. Il faut croire au vaccin. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Oh, non, c'est, mais arrêtez. Vax gone wrong. Et son deuxième choix, c'était de mentir à Ellie. Voilà, c'est vraiment les deux choses qu'il faut retenir pour partir du coup. Et qui vont effectivement amorcer tout ce qui va se passer dans The Last of Us 2. Cette fois-ci, on est quelques années plus tard. En tout cas, le jeu démarre Ellie là-dessus. Il y a 19 ans, je crois. Tout à fait, 19 ans, bel âge. qui est à Jackson et elle remplit son rôle en fait au sein de cette ville, c'est-à-dire d'aller un petit peu patrouiller autour de cette ville qui est vraiment enfermée par des murailles et à la fois de se débarrasser des bestioles, des horreurs qui pourraient traîner et je sais pas, chercher de la bouffe, enfin ouais, voilà. Fumer de la beuh en patrouille avec bravo, son nouvel amour. Bravo, Dina, ça c'est la jeunesse. Elle a 19 ans. Hein. Voilà, exactement, elle a 19 ans avec la petite Dina, elles vont fumer un gros d'air. Et puis se rapprocher de manière un petit peu intime comme ça avant que Jesse les en empêche et les rappelle parce que il s'est passé un truc, on ne sait plus où est Joël. Ça c'est le prologue, puisque à la fin du prologue, Joël se fait alors on incarne pendant quelques instants Abby, il faut le signaler, donc on découvre instantanément qu'on peut jouer un autre personnage que Ellie très tôt, et en fait on va découvrir que Abby est avec tout un groupe, ils ont cherché justement Joël et le hasard des raids de zombies fait qu'ils se retrouvent ensemble. Joël sauve littéralement Abby et après avoir fait tout ça, en fait Abby invite Joël et Tommy, donc le frère de Joël, dans l'espèce de campement petit chalet, de groupe, leur petit chalet, voilà, petite maison secondaire très sympa, c'est un Airbnb, c'est sympa, c'est pas mal. Et donc là en fait sur place elle décide de le tuer et évidemment grosse surprise dès le début du jeu, Joël se fait tuer, Ellie assiste à ça complètement impuissante. Elle laisse Ellie vivre. Ouais. C'est quand même... Et elle laisse Ellie et donc Dina, puisque du coup elles étaient là. Il y a que Ellie qui débarque et qui est en train de se faire maintenir au sol par un genou. Et de l'autre côté, il y a Abby qui met des grands coups de golf dans la tronche de Joël, qui met un petit birdie dans la tête de Joël. Et il meurt. Choix assez audacieux et qui va vraiment donner le coup de golf. De tout ce que sera The Last of Us 2, puisque a posteriori Abby on va la laisser de côté un bon moment, on la retrouvera plus tard, ça c'est aussi la deuxième grosse surprise du jeu, mais on va suivre Ellie qui va s'engager tout simplement dans une quête vengeresse puisqu'elle veut venger la mort de Joël évidemment. Sachant qu'au départ, en fait, c'est une espèce de prétexte, puisque du coup, Tommy, lui, sent bien que Ellie va partir, et donc il décide d'aller à leur poursuite tout seul, en se disant c'est pour ton bien. Évidemment, Ellie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a envie de sauver Tommy. Bien sûr. Dina, étant amoureuse de Ellie, décide de l'accompagner pour la retenir et peut-être l'empêcher de faire une connerie. Et donc, c'est comme ça que les deux partent et qu'on se retrouve assez tôt à Seattle, avec cette fameuse zone open world dont tu parlais, où elles vont un peu essayer de comprendre et de découvrir qui sont les gens sur place, puisqu'on va entendre parler pour la première fois des WLF, là, le Washington, je sais plus quoi, Liberation Force, en gros qu'on dit les Wolves, ça va plus vite, et on découvre... Qu'ils comprennent grâce à leur écusson, c'est ça, sur leur veste, ils ont une espèce de patch, tu sais, avec un loup... Et du coup, ils se disent, c'est les gens de Seattle, c'est comme ça qu'elles se retrouvent toutes les deux à farfouiller, et elles vont trouver les fameuses photos, en fait, de toute cette petite équipe-là, de toute l'équipe d'Abby, donc Owen, Mel, Nora, tous ces personnages, et... sur 3 jours, en fait, on va remonter la piste, d'Abby et ça se fera en tuant à peu près simplement tous les membres de la team. Ah c'est ça, c'est quasiment plus ou moins tout ce qui se passe sur son chemin, a priori, Ellie va leur passer dessus. Il y a un élément important, comme tu le disais au début, c'est que au début, ils sont là pour chercher Tommy, chercher, aider, slash sauver Tommy, mais donc ils sont rejoints par Jesse, il rejoint l'aventure, et c'est là, en fait, il lui met la main main à un moment sur la bouche et surprise en fait c'est Jesse, c'était cette scène dans le trailer qu'on voyait, c'était Joel dans le trailer, mais en fait c'est Jesse qui est là pour aider Dina et Ellie, et il y a un moment où ils retrouvent la piste de Tommy, ils savent, enfin ils se doutent fortement d'où il est, sauf que Ellie sait que Abby n'y est pas, elle est ailleurs, et elle décide de courser Abby, et c'est là que c'est officiel, on s'en doutait déjà, hein, mais c'est officiel, elle n'est pas là pour sauver Tommy, elle est là vraiment pour se venger, quitte à mettre Jesse en danger, quitte à laisser Tommy qui est dans la merde en danger, elle est juste là pour buter Abby. Et Dina qui est en train d'agoniser, parce qu'en fait on apprend entre temps que Dina elle est enceinte, puisqu'avant elle était de avec Jesse ouais. Ouais, et du coup ben, elle, je sais plus, je crois qu'elle se fait blesser, enfin en gros elle est pas bien quoi. Bah, elle est pas bien, oui, effectivement, ouais, parce que bah, forcément être enceinte dans un monde post-apo c'est pas la ouf. Meilleure idée, hein, malheureusement contexte. C'est pas toujours évident, et donc elle est laissée toute seule dans ce fameux cinéma. C'est un théâtre, ouais. Ouais, théâtre, pardon. Et donc, Ellie part vraiment définitivement en quête d'Abby. Elle va aller la poursuivre. Donc, je crois qu'elle va aller... alors, elle va à l'hosto. Il y a le truc avec Nora. Après, ça, à un moment donné, elle va aller à l'aquarium. La scène la plus... Il y a deux scènes importantes. Donc, c'est l'arrivée à ce fameux hôpital, en fait, où il y a la Nora, donc une des proches, on va dire, d'Abby. Donc, que Ellie va interroger, puis slash pourchasser dans une séquence de course-poursuite qui culminera avec ce moment très marquant où on a le visage d'Ellie comme ça sur un fond extrêmement rouge, et elle va vraiment massacrer Nora à coups de tuyaux. Je sais elle, ouais, elle a récupéré une espèce de tuyau bref, de métal qui passait par là. Bref, vraiment, Ellie sombre vraiment dans un côté très très sombre, on va dire. Et puis ça va continuer. Là, elle revient au théâtre, elle sait maintenant où est Abby. A priori, il y a cette histoire d'aquarium, donc elle va pouvoir les retrouver. Manque de bol, elle tombe pas sur Abby, elle tombe sur Mel et Owen, qui sont en couple, et elle veut encore les interroger, et elle fait la fameuse technique que lui a enseigné Tommy et Joel, qui est de dire, bah voilà, j'en interroge un d'un côté, il me dit un truc, et j'interroge l'autre de l'autre côté, s'il me dit pas la même chose, bah, vous avez perdu, vous mourrez. Le problème, c'est que bah, Owen tente de l'empêcher de passer à l'action, et du coup, bah, elle tue les deux. Vraiment assez froidement, et elle se rend compte que Mel était aussi enceinte, et Ellie part retrouver Dina après ça. Est-ce qu'elle abandonne ce moment-là? Je crois qu'ils ont prévu de partir à ce ouais, moment-là. Ouais, je crois qu'ils ont prévu d'arrêter, il y a Jesse qui les a rejoints, ils sont tous les trois au théâtre, et stop, a priori, ils font dire bon, on a assez donné, je pense que t'as assez fait. Là, Ellie, elle est vraiment, elle tremble, hein, elle est pas bien, mais coup de théâtre, et oui, on est au théâtre, forcément, coup de théâtre, qui c'est qui arrive? Abby, qui débarque dans le théâtre, qui met une grosse bastos dans la teuté de Jesse. C'est voilà, vrai que ça, ce moment où il arrive, il passe la porte, il meurt instantanément, voilà. Enfin, tu dis, ah ouais, mais une Game of Thrones, pas je suis pas sûr qu'ils ils en faisaient pas des comme ça. La gratuité est totale, Jesse, il passe à trépas, et... Tommy, il passe presque, hein, parce qu'elle le défonce bien aussi. Oui, je crois qu'elle l'a à l'œil, hein, c'est elle qui le blesse à l'œil, et il y a ce fameux stand-off, une espèce de Mexican stand-off où voilà, Abby tient en joue Ellie et Dina, je crois. Non, juste Tommy, elle tient tout le monde. Elle lui dit, bah voilà, je t'avais épargné, mais t'as continué, et maintenant on va en terminer. Et là, clac, cut, black. On sait pas ce qui se passe après, puisque hop, on se retrouve dans la peau de Abby, cette fois-ci beaucoup plus jeune que quand on l'avait découvert tout au début du jeu. À peu près 3 ans avant, du coup. On peut l'imaginer, puisque c'est la fin des événements du premier. On va comprendre que Abby, bah, c'était la fille du fameux médecin qui allait, du chirurgien qui allait opérer Ellie, et que Joël a tué froidement pour la sauver. Qui était un père formidable, voilà. Évidemment, on a tous ce côté. Il sauve un zèbre. Il sauve Bambi. Non, c'est un zèbre. À chaque fois, je sais pas pourquoi, c'est un fond. On reviendra dessus, mais il y a ce côté miroir. Elle aussi, elle a eu son moment girafe, entre guillemets, avec son père, donc voilà, on essaie de nous faire rentrer en empathie avec Abby, nous faire comprendre que c'était des gens bien, et tout à coup Joël. Et tout à coup Joël, et du coup, bah voilà, Abby qui va perdre son père, et on va pas le voir ça, mais on comprend en fait pourquoi au début du jeu, bah elle était avec ce groupuscule à la recherche de Joël, c'est que, voilà, elle s'est mise en tête, elle aussi, de se venger, et elle va y arriver, et c'est ce qui lance en fait le début du jeu. Parce qu'en fait, donc pour le côté un peu méta-histoire, derrière, donc les Fireflies, donc c'était le groupe où il y avait le les père Lucioles, de Abby, Owen, tout le monde faisait partie de ça. Du jour où Joël a tué en fait le médecin, bah, ils avaient tué un peu leur raison de vivre, puisque du coup c'était un des rares scientifiques encore capable de créer ce genre de technologie, et l'existence même de ce groupuscule venait à cette idée d'essayer de sauver l'humanité. Donc à partir du moment où Joël avait fait son massacre, c'était foutu, tout le monde s'est barré dans son coin. Et eux, donc, ils ont rejoint les WLF pour essayer de survivre, ouais, tout simplement. Et quand ils ont enfin eu des nouvelles de peut-être il y a cette ville où il y aurait Joël, ils ont fait le petit groupuscule des anciens, tu vois, les anciens de l'école, tu vois, copains d'avant. Et, et ils sont et partis faire une photo de classe avec, avec le club de golf dans la boîte crânienne de Joël. Et du coup, bah, on voit ce petit flashback, et ensuite, bah, on va reprendre l'aventure, on va remonter dans le temps, on va revivre les événements de la perspective d'Abby, comprendre pourquoi elle arrive au fameux... comment elle en arrive finalement au théâtre, là où Ellie et Dina étaient planquées. Et donc, on va découvrir qu'elle, elle vit bah, dans le camp des Wolves, là, cette espèce de grand stade de foot qui est aménagé. Ils ont fait des petits potagers, ils ont fait des trucs vraiment sympas. On traverse ce truc, il y a des chiens, on joue à la balle, on mange des burritos, c'est génial. Mais... un chien qu'on peut reconnaître très tôt, parce qu'on le tue en Jean Ellie avant ONML, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, il attaque c'est dans le même couloir. Chien, je crois que c'est le même chien. Ah, c'est un chien. J'avais pas suivi cette histoire. Et on jouait avec lui après. Alors, oh là là, mais quel jeu horrible. Mais c'est terrible, c'est terrible. Le problème, c'est que tout n'est pas rose au pays des Wolves, puisqu'ils sont en guerre avec ceux qu'ils appellent les Scars, qui sont en fait les Séraphites, qui sont une autre un peu faction qui, pour survivre, c'est plutôt orienté vers une sorte de religion, on va dire. C'est, alors, ils les qualifient de secte. Enfin bref, c'est une espèce de groupuscule un peu plus spirituel qui a décidé de rejeter toute la technologie, l'électricité, et qui vit vraiment à l'ancienne avec des arcs, des flèches. Ils ont leur petite île à eux en plus, hein. ils sont isolés. Ils ont une martyre aussi qui était apparemment une femme qui avait dû dispenser quelques enseignements, et après je crois que c'est Lev qui dit que bon, après ils ont eu leur interprétation un petit peu plus ou moins libre, histoire de pouvoir former leur petite secte, mais ouais, il y a ce clan. Mais ça, bon, de toute façon, c'est une espèce de toile de fond, c'est pas le cœur du jeu. Simplement pour dire qu'en fait, Abby, au moment où on la retrouve, donc ça fait un petit moment que Joël est mort, hein, ça y est, elle a fait sa petite de vengeance, mais du coup il y a ce fameux personnage de Owen qui a disparu, elle ne sait pas où il est, et elle va partir à sa recherche justement dans Seattle. Alors ça va la mener à rencontrer d'autres personnages, notamment Yara et Lev, qui sont des Séraphites, et qu'elle sauvera en fait, parce qu'elle se retrouve sur leur île, ou je sais plus comment... Elle se fait capturer à un moment par les Séraphites, parce que justement Yara et Lev, puisque Lev est un garçon trans, et du coup, bah, ce n'est pas toléré chez les Séraphites, et du coup, elles se font chasser avec sa sœur, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent tous ensemble à être sur le point d'être pendu, mais ils s'en sortent dans cette scène d'ailleurs. Et là, sur l'île. Ce qui est assez impressionnant, c'est que vraiment Abby, elle change complètement de mindset, c'est-à-dire qu'elle était wolf jusque-là, et là d'un coup, comme elle a en fait réussi son objectif de tuer Joël, instantanément tu sens qu'elle prend de la distance avec tous leurs objectifs, parce que quand elle voit Yara à Lev, elle hésite pas à les sauver, tu vois, elle les a sauvés. Bah c'est elle, c'est Lev et Yara comme elles ont sauvé avec Abby, les flèches, elle décide de les aider, et tu sais, il y a un moment où elle les met dans une espèce de container, elle dira je reviendrai plus tard, ça se fait en deux temps en fait, elle n'avait pas prévu de revenir au début, donc effectivement au début c'est vraiment la coopération, ils sont ensemble contre les Scars qui les coursent. C'est bon, ils ont fait leur bout de chemin, ils sont tous safe, voilà, elle les laisse dans un container, alors que Yara est vraiment, elle a un bras qui est complètement en charpie, mais voilà, elle dit voilà, c'est plus mon problème, hein, je me barre. Et en fait en ce moment là elle va à l'aquarium, je crois que c'est là qu'elle couche avec Owen d'ailleurs, et rêve en fait qui est important, parce qu'il y aura ça avec Ellie aussi, ces côtés rêve / flashback qui sont le signe de leur rédemption en fait, de leur stade où elles en sont en termes de vengeance. En fait elle rêve, elle a toujours ce traumatisme en fait de son père. Elle se rend compte que elle en souffre encore malgré le fait d'avoir tué Joël, et ben elle souffre toujours de la mort de son père, quelque chose va pas, et c'est là qu'elle se réveille en pleine nuit. Elle va aller aider, elle retourne vers Lev pour les aider. Ouais. Et bah, du coup, ça va la mener jusqu'à aider Lev et Yara. Elle va récupérer des médicaments ou je sais plus quoi. Ça nous emmènera aussi au fameux hôpital où Ellie est passée juste avant pour défoncer. On croise Nora. En fait, c'est quasiment. Elle se croise vraiment à chaque fois, Abby fait un superposition. Quelques heures après, Ellie arrive. Et Abby qui va croiser sur son chemin, donc dans l'hôpital, le fameux patient zéro, hein, qui est une des séquences assez marquante du jeu, hein, le fameux Rat King, hein, le roi des rats, là, ce truc mélangé immonde, bref. Et en fait, bah, sur le retour, elle va essayer de retourner à l'aquarium avec Lev et Yara, et là, bah, elle tombera sur les cadavres de Owen et Mel, qui viennent d'être tués. Est-ce qu'elle est allée sur l'île ou pas encore, là? Je sais plus. Oui, toi, j'ai un doute. Je skip un peu, parce que tout le truc, c'est un peu long. Ce qu'il faudra retenir, c'est que Yara est morte, voilà, entre-temps. Effectivement. Et ensuite, quand elle retourne pour la seconde fois à l'aquarium, problèmes avec Lev qui lui était parti en fait sur lui, etc. Mais c'est bon, Lev et Abby, c'est bon, c'est devenu un peu, on pourra revenir dessus, mais un peu les Ellie et Joël, hein, ouais, hein, oui, bon, oui, ils sont soudés maintenant, ouais. Tous les deux ils sont ensemble, c'est you're my people. Abby dit ça à Lev parce qu'elle se, voilà, elle quitte un peu les Wolves, hein, elle se dit, enfin à ce moment là c'est bon, les Wolves, ouais, c'est fini, ouais. ils sont échangés quelques tirs dans les, je crois que c'est officiel. Et quand elle retourne à l'aquarium, Owen et Mel sont morts. Et alors je sais plus comment elle repite, tu dis elle trouve la carte, elle trouve la carte en fait que Ellie annotait au fur et à mesure de ses explorations, et du coup bah, le point à partir duquel elle est partie, oui, c'est ce fameux théâtre, et du coup ce qui nous ramène à toute cette fameuse confrontation 25 heures plus tard. Et donc là on incarne Abby qui va se bastonner avec Ellie dans un duel assez impressionnant, où d'ailleurs quand tu perds tu te prends un gros coup de peupon dans la tête de la part d'Ellie, c'est assez trash. Abby qui se fait écraser, qui se fait éclater la tête, parce que en fait c'est pas ça qui doit se passer, le jeu l'a décidé que Abby, elle allait prendre le dessus sur Ellie, mais au moment de montrer qu'elle allait prendre Dina et lui dire « je vais faire la même chose que t'as fait à Mel », il y a Lev qui lui dit « meuf, vas-y, stop, arrête, je crois qu'on est allé trop loin », et du coup Abby, elle prend un grand souffle, elle dit « ok, on arrête, je veux plus jamais voir ta petite tête. Que je te revois pas dans le quartier. » Voilà, exactement, t'es tricard à Seattle maintenant. Il y a tout le folklore de rap de Hugo qui se retient dans, les de prendre le truc. Les signes de gang ont été marqués, ouais. C'est chez nous maintenant. Et bah ça se termine là-dessus. A priori, ça y est, enfin, Abby épargne une deuxième fois Ellie. Ellie qui se dit, bon, bah effectivement, peut-être rentrer à la maison avec Dina. Et on les retrouve bah, beaucoup plus tard, on retrouve Ellie plus tard, on l'incarne de nouveau, ça y est, on reprend les petites converses d'Ellie, hein, des chaussures iconiques. Et là, elle vit en fait avec Dina et JJ, Gigi, probablement pour Jesse Joel, j'imagine qu'il s'appelle comme ça, le petit bout de chou. Elles vivent toutes les deux dans une espèce de petite ferme, hein. Il y a le petit tracteur, elles sont pas à Jackson, je crois qu'elles ont même des petits moutons, hein. Il me semble qu'il y a des petites bêtes, voilà, elles ont fait permaculture et tout ça, voilà, elles sont devenues véganes. Le Larzac, c'est parti. C'est très bien. Bref, elles vivent, on a justement l'impression c'est, que c'est le happy end, tu vois, c'est vraiment présenté comme vraiment, le happy end où elles ont survécu, elles ont réussi, il y a la petite scène, tu vois, où elles mettent la musique, elles dansent, elles font la cuisine, il y a le bébé avec, enfin, tu te dis, super. Ça y est, c'est l'épilogue. Ouais. Ça y est, on termine, on se calme enfin, et c'est vraiment fini ce la jeu. Scène où t'es avec le bébé dans tes bras sur le tracteur, il y a un coucher de soleil, c'est beau. Tu sais, elle met son chapeau de paille, son petit épi de baie dans la bouche, elle fait eh, voilà, une bonne journée. Et là, non, il y a juste un coup de vent et juste une porte qui claque. Et là, boum, PTSD, elle se retrouve en fait à revivre la mort de Joël. Et on la revoit, elle est horrible. En plus, cette scène, elle est en larmes, elle est en train de crier, limite, elle est en train d'écraser le bébé. Tu vois, c'est Dina qui l'empêche de faire ça. Et on se rend compte que malheureusement, pour Ellie, c'est pas terminé. Tu vois, c'est pas terminé, et surtout, il y a quelqu'un qui va remettre une pièce dans la fente, c'est Tommy, qui revient et qui a retrouvé une piste en fait de la fameuse Abby. On a l'impression que voilà, il y a une blonde très costaude qui se balade à Santa Barbara, et du coup, est-ce que tu veux qu'on y retourne ? Alors forcément, il se fait savagement engueuler par Dina, qui a bien raison, qu'en bonne mère de famille, lui, tu dégages et t'arrêtes tes conneries, tu me laisses ma meuf parce que maintenant il y en a marre. Mais par contre, Ellie, c'est dans la tête. Ouais, c'est l'inception, hein, tu vois que c'est foutu. Après, en plus, Tommy, il va loin quand même, parce qu'il l'engueule même Ellie, tu sais, il essaie de la faire culpabiliser t'avais dit que tu vengerais Joël et tout, parce que lui, pour faire une mini parenthèse sur lui, c'est, son cas, il est assez touchant, lui, il a vraiment tout perdu. Déjà, physiquement, il peut pas y aller parce qu'il a perdu un œil, il marche avec une canne, je crois, donc il peut pas y aller, et sa femme l'a quitté. Enfin bref, lui, il est encore complètement misérable dans son coin. Tommy, c'est vraiment le pas de bol, hein. Lui, c'est Karma Boy. Et il essaie de convaincre Ellie qui, sur le coup, refuse parce que bon, voilà la raison, tout ça, mais voilà, comme tu le dis, dans la nuit, elle se réveille et elle va faire son petit sac, elle fait ses affaires et elle repart de nouveau sur les traces d'Abby, encore une fois, alors qu'elle l'avait épargné. Nouveau caractère, nouveau changement de personnage, puisque cette fois on est avec Abby et Lev qui sont justement sur les pistes des Lucioles, hein, puisque c'est maintenant son nouveau truc à Abby, c'est d'essayer de retrouver les Lucioles, parce qu'apparemment il y a encore un groupuscule qui vivote, elle veut essayer de trouver un sens, de reconstruire quelque chose, parce que elle est avec Lev maintenant, elles sont ensemble, ils veulent se protéger. Et ça va pas bien se passer parce qu'elle va se faire capturer par des crotales. Qui sont le groupuscule plus ou moins criminel du coin de Santa Barbara, et ils se font tous les deux capturer. on retourne à Ellie. Et qui là, est donc probablement des mois plus tard, en fait. Hein, bah, parce le temps qu'elle la rejoigne à Santa Barbara. Ouais, ça prend du temps, quand même. Et tout, ça, ça prend du temps. Elle démarre à partir du petit bateau qu'elles ont trouvé. Et bah, du coup, elle va, elle aussi, Ellie, se frayer un chemin à travers les crotales jusqu'à retrouver Abby, qui est là, en fait, qui est capturée, qui est prisonnière depuis des mois, qui est accrochée sur un espèce de poteau. Alors, il y a Lev aussi qui est aussi accrochée. Ellie libère Lev. Elle libère aussi Abby, qui est méconnaissable, qui a perdu toute sa masse musculaire. Elle a des cheveux courts. C'est un peu leur prison à eux, et tu sais pas depuis combien de temps elle y est. Elle, elle a voulu s'échapper en fait de la prison, et du coup elle est à la potence. Ça suffit. Enfin, disons leur vie habituelle, c'est une prison, et là c'est la prison des prisons. Oui, c'est des cachots, quoi. Exactement. Et on croit que Ellie, en voyant Abby comme ça, complètement démunie, elle va les laisser partir, mais... Elle lui dit qu'elle peut pas. Et dit Ellie, elle a encore un truc à faire, et du coup, elle menace Lev, elle met le couteau sous la gorge de Lev. Parce qu'Abby ne veut pas, quoi, elle fait que t'es sérieuse. Et elle lui dit, on va se battre, on va le faire, Vegeta Sangoku, Solid Snake, Liquid Snake, enfin bref, tous ces gens-là, vous les connaissez. Elle a lu trop de comics, Ellie, du coup, elle se dit, eh ben allez, on va encore se fighter une deuxième fois. Cette fois-ci, à la manette, on contrôle toujours Ellie, hein, puisque c'est là-dessus que se termine. Et on va se terminer sur cette espèce de grandes bastons sur ce rivage comme ça, qui est assez éprouvante, hein, c'est vraiment une séquence qui est très longue, qui est violente, qui est très violente. Elles se rongent l'une et l'autre, hein, y a vraiment des petits coups de couteau par-ci, des petits coups de canine par-là. Il y a Abby qui lui arrache un doigt avec les mâchoires, enfin avec les dents. Il y a bien une oreille qui doit partir, quelque chose comme ça. Et au moment où Ellie termine par prendre cette fois-ci le dessus sur Abby, hein. Elle est au moment où elle va l'étrangler sous la flotte, hein. Donc petit combo noyade, étranglement, normalement ça marche. Flashback. Aperçu de flashback. Oui, parce qu'on l'aura déjà eu. Elle revoit Joël en train de jouer de la guitare. On l'a pas encore vu, ce flashback. Aperçu de flashback, mais je ferai un point flashback. Bref, elle voit un flashback Joël, et du coup, elle lâche prise et elle se met à chialer. Elle dit, vas-y, casse-toi, c'est bon, barre-toi. Je te laisse partir. Et c'est comme ça que se termine le jeu, ou c'est ce qu'on croit, puisqu'on termine sur vraiment le dernier flashback. Où on apprenait qu'après tout ce temps, c'est l'occasion de reprendre juste les flashbacks. C'est compliqué, mais je vais aller vite parce que voilà, dans le jeu, oui, il y a plusieurs flashbacks. Je crois qu'il y en a 4, en tout cas du côté d'Ellie. Mm-hmm. Pour la faire courte, hein, ça raconte la relation Ellie-Joël depuis le 1 qui s'est détériorée en fait avec le temps. Ellie a fini par se rendre compte que c'est pas possible qu'il y avait autant de gens comme ça immunisés comme moi, j'en avais entendu parler. Elle se rend compte du mensonge de Joël. Et il y a un moment, et elle va à l'hôpital, vraiment elle retourne à l'hôpital du 1 pour vérifier un peu les docs et tout. Et elle tombe sur un audiologue qui dit que c'est fini, le médecin il est mort, c'était le seul qui pouvait faire le vaccin, etc. Elle sait ce que Joël a fait, elle le confronte à ses mensonges. Elle lui dit si tu me mens encore, je me casse, tu me verras plus jamais, si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Il lui dit la vérité, et en gros, elle retourne à Jackson en mode... On se parle plus. Voilà, on se parle plus. À ce moment-là, on se dit, ah merde, c'est le dernier truc qu'elle lui a dit, et en fait, non, il y a un dernier flashback où t'apprends deux choses. La première, c'est qu'il commençait à se rabibocher, comme tu le dis, elle va voir Joël en disant, je sais pas si je peux te pardonner, mais je veux bien essayer. Et voilà, c'est moment émotion entre deux personnages qui partagent rarement leur pensée. Et après, on comprend aussi l'état d'esprit d'Ellie qui dit, elle lui fait comprendre qu'elle lui en veut parce que sa vie aurait eu un sens. Tu vois, elle lui dit clairement, ma vie aurait eu un sens si j'avais pu faire ce vaccin. Donc on comprend que Ellie, elle souffrait vraiment du fait, elle avait ce fardeau vraiment sur ses épaules, elle aurait pu sauver l'humanité, elle aurait pu faire un vaccin. Tous ces gens qui sont morts autour d'elle, elle avait ce. Ouais, parce que ça lui a pesé, on le voit. Alors c'est pas forcément dit de manière très très claire, mais en gros, le fait qu'elle ait cette trace de morsure, ça veut dire que n'importe qui la voit comprend qu'elle est infectée et va essayer de la tuer. Et donc elle a décidé de se cramer le bras avec de l'acide dans un premier temps pour que ça passe pour une espèce de blessure, et ensuite elle se fait faire ce fameux tatouage par-dessus pour cacher ça, parce qu'en fait c'est vraiment pour elle, c'est un fardeau, parce qu'elle a ce truc là elle peut ne pas mourir à cause des infectés, mais elle peut rien en faire. Et elle en a peur aussi, parce que dans un moment, dans un journal, t'apprends que la tatoueuse, en fait, elle a eu une histoire avec elle, c'était sa petite amie, la tatoueuse, et il y a même, elle raconte son premier baiser avec elle où elle a flippé de fou, parce que la tatoueuse l'a embrassée sans lui dire ou quoi, c'était un baiser spontané, et en fait elle l'a repoussée d'un coup parce qu'elle savait pas si elle l'avait infecté, du coup. En fait, elle avait toujours cette crainte. Ouais. Et après, c'est bon, ça s'est révélé que ça allait, il n'y avait pas de souci, elle pouvait avoir des relations. Mais tu comprends que c'était son mindset, en fait, à ce moment-là. Ce qui est important de comprendre, en tout cas, c'est que à la fin du jeu, ce dernier flashback, c'est un dernier morceau du puzzle pour comprendre, en fait, pourquoi Ellie, elle part en quête de vengeance pour Joël. Parce que, bah, tout au long du jeu, justement, il y a ces flashbacks. On se dit, mais attendez, ça allait pas bien entre Joël et Ellie, elle lui en voulait, etc. Mais en fait, bah, ils allaient commencer à se rabibocher, elle a commencé à le pardonner, parce que malgré tout, bah, elle est très attachée à lui. Il y a ce fameuse séquence dans le musée, hein, où là, on voit quand même, là, c'était un des points culminants de la relation entre les deux personnages, on voit bien leur complicité. Bref, et on lui a volé son pardon, en fait, on lui a volé encore ce truc-là, et du coup, bah, c'est ce qui va vraiment l'emporter dans ce cycle de violence et qui va l'emmener jusqu'où elle va aller. Mais c'est aussi ce qui l'empêche de tuer Abby, puisque c'est cet aperçu de flashback là quand Joël il joue de la guitare sous son porch, sous sa terrasse, et c'est ça en fait, c'est ce souvenir d'avoir eu une relation d'amour, tu vois, d'avoir été aimé, de pouvoir aimer, c'est ça qui la raccroche encore une fois à son humanité. On revient un petit peu à Last of Us 1 où c'était Joël, voilà, ce qui la raccroche à l'humanité c'était Ellie, et là Ellie, bah, ce qui la raccroche à l'humanité c'est Joël, et c'est à ce moment là qu'elle décide de ne pas tuer Abby, qui symboliquement ce serait ce qui tuerait un peu Ellie, ce qui la mettrait au fond, oui, sans ça, qu'elle puisse en sortir. Oui, parce que du coup elle rebrousse chemin, et la toute fin du jeu, donc elle revient à la ferme, on se rend compte que Dina et JJ sont partis, elle a laissé simplement la guitare, la fameuse guitare, il lui manque un doigt à Ellie, elle joue et elle décide finalement de déposer la guitare qui symboliquement représente Joël, en fait, quelque part, elle le laisse là, et elle se barre. Alors évidemment, là, la fin est ouverte, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, elle part dans une certaine direction, voilà. C'est pas la direction de Jackson, est-ce qu'elles ont retrouvé Dina? Moi, j'ai décidé qu'elles retrouvaient Dina, et qu'elles vivaient heureuses, et qu'elles avaient beaucoup d'enfants, parce que j'ai envie que ça se finisse bien, à un moment donné, ce putain de jeu. Et il y a également un petit détail, c'est que la fin du jeu, quand on a terminé l'histoire, le menu de The Last of Us 2 change, on voit en fait un bateau échoué sur une plage, et on comprend que ça signifie que Abby et Lev ont réussi à retrouver cette fameuse île avec les Fireflies. Alors on ne sait pas s'il y a les Fireflies ou quoi, mais voilà, Naughty Dog, ils aiment bien laisser des fins ouvertes, et en gros, ben, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'il y aura un part 3? Est-ce qu'il y aura quoi que ce soit? On ne sait pas, mais c'est comme ça que ça se termine. C'est une fin donc très triste, hein, globalement, sur le constat. Comme tu dis, le côté de la guitare, pour en revenir sur la symbolique, elle ne peut plus en jouer avec ses doigts, et c'était un truc qui la raccrochait à Joël, ce qui lui avait appris à jouer de la guitare, appris à jouer de musique, qu'elle a pu jouer d'ailleurs pour Dina, je crois qu'elle l'a joué au moins une fois, pas la Take On Me, l'autre. Ouais. Et c'était un lien, tu vois, concret qu'elle avait encore, et la symbolique, c'est voilà, la vengeance t'a même enlevé ce lien, donc voilà, il y a ce petit propos sur la vengeance, on reviendra sur tout ça en détail. Donc c'est une fin très triste, mais avec de l'espoir quand même. Enfin, moi j'y vois l'espoir pour Abby, et là je vois l'espoir. Enfin, quand elle lâche Abby, voilà. Tu souffres quand même. Voilà. Je fais, c'est ça. Okay, elle n'a pas tué Abby, voilà. Donc ça déjà, il y a un côté plutôt heureux. Elle n'est pas allée tout au fond, elle est allée très très profond. Mais elle en a tué 430, mais pas la 431ème. Cette mort-là fait la différence. Voilà. Ouais. Et ensuite, on peut s'imaginer qu'elle rejoint Dina ou pas. Après, on peut aussi s'imaginer que Dina refuse de retourner avec Ellie. Ce serait légitime. On va pas rentrer dans les fanfictions. On va de l'avant, voilà, on sait pas ce qu'il y a, mais voilà. En tout cas, les arcs sont terminés, voilà, les arcs ont été entamés et qui ont été amorcés aussi parce qu'ils se terminaient du premier. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'on peut dire avec ce jeu, c'est que c'est vraiment une suite. C'est pas pour rien qu'ils l'ont appelé Part 2, c'est qu'il y a vraiment une continuité entre les deux jeux. Tout ce qui se passe dans le 1, bah, va vraiment se répercute dans ce qui se passe dans le 2. Alors ça, on l'a appris par la suite, hein, que cette idée de raccrocher les wagons avec le père d'Abby qui était le chirurgien, ça, c'est quelque chose qui est arrivé un peu sur le tard, hein, dans l'écriture, ouais, du scénario. Ils ont eu en fait plusieurs possibilités. Alors comme je crois qu'on l'avait déjà dit, qu'à un moment donné ils imaginaient que Abby en fait soit la fille de peut-être d'une famille qui avait été tuée par Joël à l'époque. On l'a pas encore dit. On l'avait parlé juste avant. On a tellement dit de choses. Donc bon, en fait, on le sait, on s'est dit à demi mot, on comprend que Joël en fait, entre le moment où sa fille meurt et le moment où le The Last of Us 1 commence, bah, il est passé par plein de stades de saloperie. Et à un moment donné, lui aussi, il était un bandit de grand chemin, il arrêtait des innocents sur la route, il les tuait, il leur piquait leur possession pour survivre. Et donc, à un moment donné, ils imaginaient que Abby puisse peut-être être la survivante d'une de ces personnes-là. Et au final, après de nombreuses discussions, à un moment donné, il explique ça très bien dans le podcast, à partir de la seconde où ils ont compris qu'en fait, il fallait qu'Abby soit la fille du chirurgien, en l'espace de 15 jours, ils ont écrit tout le jeu, et à partir de là, ça a vraiment donné tu vois, l'élan pour faire toute la suite. C'est vraiment la petite boucle en fait, qui marche bien, qui connecte connecte bien le tout et qui connecte vraiment bien le jeu au premier. Et c'est pour ça, je pense que ça permet vraiment de créer une espèce de continuité, de dire que voilà, y a vraiment un fil qui se tisse et qui va impacter tous ces personnages jusqu'au bout. Dans l'esprit de Druckmann, en fait, il explique ça, le coup de tuer le chirurgien dans le 1, comme un non-choix. Et lui, dans sa vision, il considère que les joueurs participent. Alors ça, c'est un truc qu'on en a pas mal parlé avec Max, où en fait on est complice du meurtre du chirurgien, et donc il considère que c'est un bon point pour nous permettre de recommencer le 2. Pour lui, il trouve que c'est vraiment le moment shift du truc. Alors ça se passe à la toute fin du 1, et c'est génial parce que ça donne du coup créer le 2. C'est le bon point d'amorce. Ouais, je suis complètement d'accord avec le fait que ce soit un bon point, parce qu'on a tout le contexte, on a accompagné Joël vraiment du début à la fin, on sait tout ce qui s'est passé, et on a pu être d'accord avec Joël ou en désaccord. C'est pour ça que je dirais, c'est pour ça que pour moi je suis pas d'accord avec le terme de complice, parce que des gens ont pu tuer le médecin sans être d'accord avec Joël. C'est pas de la complicité pour moi, c'est juste que c'est juste le jeu nous laisse pas le choix. C'est pas le choix d'appuyer sur la gâchette, c'est que t'es complice. Enfin, c'est pas que t'es complice, c'est juste le jeu. Tu peux te la jouer en mode gros cerveau, bah fallait éteindre la console. Non, c'est pas ça la complicité, je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord pour dire, voilà, on est tous partis du même point, on sait pourquoi. Que si on puiser dans le passé de Joël, il y aurait pu avoir des points d'ombre, on aurait pu essayer de justifier Joël. Ça aurait été moins fort que on aurait eu la team ça, ce qu'on a vécu en tant que joueur joueuse avec le premier. On aurait eu la team contexte, en mode, peut-être qu'ils avaient raison de faire ça, en mode, là c'est bon, là on sait. On sait pourquoi Joël a fait les choses ou pas, et c'était ça en fait le propos du 1, c'était... il a sacrifié l'humanité pour Ellie, c'est son choix, il lui a menti, c'est son choix, ensuite... On l'a compris, c'est ça en fait l'important de Last of Us 1, qu'on soit d'accord ou pas avec Joël, on sait pourquoi il a fait ça, on le comprend, et il y a vraiment cette notion de perspective, c'est là que Last of Us 2 rentre en jeu, parce que normalement avec le 1 on a déjà compris, alors ça n'a pas toujours été le cas, mais on a déjà compris que Joël c'était pas quelqu'un de très bien, il a, comme on dit, sacrifié l'humanité, il a massacré plein de gens pour Ellie, ça peut paraître évident dit comme ça, mais de l'autre côté, forcément, c'est pas le héros de l'histoire, c'est pas le gentil de l'histoire, et Last of Us 2, ils disent, ok, bah on va mettre quelqu'un qui était de l'autre camp, c'est ce qui modèle tout le jeu, hein. On prend vraiment possession de Abby au milieu, et c'est ça la volonté de Last of Us 2, c'est de remettre un peu, pas en question, mais de faire comprendre que ce mode de pensée tribal, en mode moi, mon groupe, passe avant les autres, bah que voilà, de l'autre côté, forcément, ça écrit une autre histoire. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est peut-être pas la direction qu'on attendait, attendre du jeu. Ils ont osé faire pas mal de choses. Déjà, tuer Joël, au bout de 2-3 heures de jeu, ça a fait polémique. Donc, clairement, ça voulait dire que c'était pas un choix qui était très attendu. Moi, personnellement, j'étais pas spoil, hein, vraiment, pour le jeu. J'étais vraiment très préservé. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait une seconde partie dans le jeu, qu'il y avait un truc qui se passait à la deuxième moitié. C'est le seul truc que je savais qu'il y avait un shift, quelque chose qui bougeait. Mais quand je vois Joël mort, je l'avais noté sur mon petit doc, tu vois. Ah ouais, ok, il est mort, le cimetière, il est enterré, ça y est, c'est terminé, donc on passe vraiment à autre chose. Ça, c'est quand même assez audacieux. Et puis effectivement, nous faire jouer Abby, qui est la meurtrière qui a tué Joël, et aussi nous faire partager cette descente aux enfers d'Ellie, parce que c'est un personnage qui était vraiment, je pense que c'est un des personnages les plus aimés du jeu vidéo, hein. Ellie, c'était vraiment la jeune fille, elle était drôle, elle était sarcastique, en plus elle avait ce côté un peu je découvre le monde, je le vois avec mon regard de personne qui n'était pas là justement au monde d'avant, genre ah ouais, avant il y avait ci, il y avait ça, qu'est-ce que c'était. Donc il y avait vraiment une sympathie qui s'était nouée pour ce personnage. Enfin, on l'avait dit, je crois, dans le podcast, à la fin t'es obligé d'adorer Ellie parce que tu t'y es attaché à ce personnage. Oui, puis en plus, comme t'as incarné Joël tout du long, il y a cette relation un peu paternaliste, tu la vis aussi et tu vois, tu te l'appropries un petit peu. Donc Ellie, en fait, t'as envie de savoir comment elle va, et c'est pas parce que justement tu t'inquiètes pour elle, en fait, t'as envie qu'elle prenne pas le mauvais chemin, et on te force exactement à assister à sa descente aux enfers. Il y a vraiment un processus de déconstruction du personnage qui est complètement volontaire, hein. En gros, Druckmann, lui, quand il essaye de synthétiser ça, le premier épisode était là pour exprimer un petit peu l'amour qu'on peut ressentir pour les autres et nous faire un peu vivre ça, et donc ils se sont dit dans le deuxième, qu'est-ce qu'on va faire, on va pas refaire la même chose, on va aller faire la haine, et on va essayer de découvrir ce sentiment de haine, et à travers les yeux d'Abby et les yeux d'Ellie, parler également de cette sensation, toute cette spirale de vengeance, etc. quoi. Sachant qu'au début, le studio pensait faire une espèce de twist scénaristique où Abby, en fait, elle rejoignait le groupe de Jackson, on allait faire des missions avec elle, peut-être même l'incarner au début, ça, je sais plus ce genre de détails, mais on allait être pote avec Abby, en tout cas, elle allait faire partie intégrante de l'aventure, et puis hop, elle tue Joël, en fait, après quelques heures, elle bute Joël, et là, on apprend un peu les motivations et tout, et ils se sont dit... Non, c'est trop facile, en fait, il faut la détester au début pour ensuite faire l'effort de la comprendre. Eux, ils voulaient vraiment qu'il y ait cet effort qui soit fourni par les joueurs. On reviendra à la fin, nous, bah, ce qu'on pense de... Non, vous voulez dire, dire je sais pas, moi, je pense qu'on peut dire que... De toute façon, avec tout ce qu'on a dit sur Joël, sur le fait que non, c'était pas quelqu'un de bien, c'est vrai que tous les trois, on l'a vécu, j'ai l'impression, de la même façon, où quand il meurt, Joël font... Bah ouais, frère, en même temps, c'était, ça allait, ça te pendait au nez quand même depuis un moment. Ça, hein. Et c'est vrai que je pense qu'on n'a pas détesté Abby dès le début. Moi, j'ai fait, ok, bah ce personnage, enfin, elle a une bonne raison, oui, apparemment, de vouloir tuer cette personne. Et c'est vrai que très vite, finalement, cette poursuite de la vengeance d'Ellie, tu te dis, bon, bah non, tu vois, surtout qu'il y a des moments très vite où Ellie, elle dit à Jesse ou à Dina, lui dit, bah Joël, il l'avait mise à l'envers à plein de gens. Enfin voilà, c'est juste que c'est un truc qui lui tombe sur le coin parce que ça, c'était là et ça devait lui arriver. Donc c'est vrai qu'il y a, je pense qu'on n'a pas été dans la situation où on a détesté Abby, tu vois, ou se dire, oh là là, la meurtrière, tain, ils ont tué Joël, je la déteste et tout, et il est hors de question que je la joue après. Non, moi j'étais, quand je l'ai joué après, c'était plus peut-être un problème de rythme, ça on y reviendra par la suite, mais bah, moi j'ai appris à l'apprécier, mais j'étais pas en mode, oh je la déteste, j'ai pas envie de jouer ce personnage. Sachant que ça a existé, hein, il y a eu, pour vraiment prendre les deux extrêmes, il y a eu d'une part des gens qui ont été complètement dévastés par la mort de Joël, et quand ils ont vu qu'il fallait jouer Abby, ils ont dit, hors des questions que je la joue, et il y en a, alors ça, ok, si c'est ce que vous ressentez, très bien. Après il y en a qui sont appuyés sur ça pour envoyer de la haine aux développeurs, et là c'est des gros bébés, mais et à l'extrême opposé, il y a des gens qui disent, ah, oh, c'est génial en fait, bon, il y a des gens en face, bah ils ont peut-être leur raison aussi, c'est incroyable. Bon, je me moque un peu, parce que nous on a été entre les deux, nous on était en mode, bah j'ai pas force, enfin voilà, je veux dire, Abby, je la déteste pas, ok, elle le tue, on est déjà conscient du concept, en fait, que y a des gens peuvent vouloir tuer Joël, oui, et qu'ils ont leur raison. Tu vois, quand... on l'a vécu, en fait, on sait ce qu'il a fait. À la fin de notre podcast, on disait, bah voilà, Joël, c'était pas quelqu'un de bien, on sait qu'il a fait un acte qui était criminel, quoi. Donc, c'est pas surprenant. Et c'était ça, d'ailleurs, un des twists intéressants du premier, c'est de nous faire apprécier ce personnage-là, qui est un tueur comme un autre, et de nous le faire apprécier parce qu'il avait réussi à trouver cette petite étincelle d'humanité avec, dans sa relation avec Ellie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le jeu vidéo, tu vois, si on prend un peu de recul sur tout ça, pose souvent ces questions de violence, hein, en plus, alors on n'a pas encore dit le mot dissonance ludonarrative, mais ça y est, on va le dire, où justement les jeux Naughty Dog régulièrement étaient pris comme un peu des exemples de cette idée que, ben, on tue plein de gens dans les jeux vidéo, et les personnages, ils ont des états d'âme qui sont finalement complètement déconnectés de la violence qu'ils dispensent en permanence. Alors que justement, avec The Last of Us, ils essayaient de raccrocher un peu plus ce truc-là, et a fortiori dans The Last of Us 2, où là, vraiment, chaque meurtre de Ellie est pensé pour avoir un poids, on va dire, une espèce d'impact sur les joueurs et les joueuses. Et par exemple, un des détails qui illustre très bien ça, c'est le fait qu'ils se sont fait chier chez Naughty Dog à donner un nom et un prénom et à toutes les personnes qu'on va tuer. Dès qu'on va tuer un être humain, il y a quelqu'un d'autre qui va crier son nom et qui va nous dire « Ah là là, t'as tué machin, t'as tué machine ». Et donc ça va essayer de créer une espèce d'empathie. C'est là pour ça, en tout cas. Voilà, c'est vraiment l'objectif, que ça marche ou pas après, ça, ouais, c'est chacun est juge. Mais en tout cas, le jeu fait en sorte de nous faire comprendre que les morts qu'on va générer au fur et à mesure ne sont pas gratuites. Elles ont un poids, elles ont une conséquence. Et évidemment, l'illustration parfaite de ça, c'est que bah, la mort de la fin du The Last of Us 1 va causer tout ce qui va se passer dans The Last of Us 2. C'est ça, ils ont réussi à créer à justifier toute cette violence avec le premier Last of Us. On a déjà parlé un peu au début, mais avec le fait de devoir protéger Ellie, de faire un univers très violent aussi. Il y a aussi une vision, il ne faut jamais oublier, hein, cette vision post-apo de Last of Us, c'est une vision comme une autre. C'est pas la réalité universelle de ce qui va se passer. C'est la vision de Druckmann. Voilà, pour lui, Druckmann, il a dit, voilà, nous on fait cet univers. En gros, lui, bon, alors je sais pas à quel point il y croit, tu vois, mais sa vision de l'humanité, en tout cas dans le monde de The Last of Us, c'est ça. Et donc, les gens sont violents, les gens se défendent, tu vois, on parlait des crotales, c'est une espèce de groupe esclavagiste qui maltraite complètement les gens. Et voilà, tu vois, ça paraît normal. En fait, dans l'univers de Last of Us, c'est pas si choquant, en fait. Et il y a eu cette justification, mais c'est vrai qu'avec Last of Us 2, ils ont encore plus creusé le truc, où là, tu vas même incarner quelqu'un du camp d'en face, tu vois, et tu vas vivre les morts Par contre, c'est vraiment le truc qui est intéressant, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de voir finalement dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que ce côté du, ben, si tu changes ton point de vue, tu te rends compte que les gens d'en face, ils ont raison, puisque ben, ils sont cons, l'ennemi, c'est eux l'ennemi, tu vois, cette fameuse phrase. Les raisons sont légitimes de tous côtés. Et ça, c'est ça que le jeu essaye de nous faire faire. C'est-à-dire qu'en nous forçant à jouer Abby à la moitié du jeu, il va nous forcer à vivre des événements qui vont nous rendre Abby sympathique. En plus de ça, Abby va prendre sous son aile Lev, et donc va devenir, tu vois, incarner un peu ce rôle qu'avait Joël dans The Last of Us 1. Et l'objectif, comme on l'avait déjà dit, c'est qu'à la fin, quand il y a la confrontation, tu sois un peu torturé. C'est-à-dire que tu es face à Ellie, tu sais ce qu'elle a fait, tu sais toutes les crimes qu'elle a fait, et en plus de ça, tu les as vécus par les yeux, enfin, tu les as vécus avec Abby, en voyant ça comme vraiment une trahison, parce qu'elle a perdu tous ses amis à cause de Ellie, et donc tu dois te retrouver à vouloir la tuer. Et ça, c'est vraiment un processus, voilà, de déconstruction de « bah, on vous avait créé un personnage, maintenant on va vous le détruire, tout simplement. » C'est ça, si à la fin de Last of Us 2, t'es toujours en mode « Ah, Joël, il était trop bien, je déteste Abby », bah pour moi, t'as un peu pas compris en fait ce qu'on essaie de te faire dire. Ça veut dire qu'ils ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas réussi, et pour moi, ça veut dire que t'as un amour déraisonnable en fait pour Joël, où bah, c'est bon, t'es entre guillemets hein, piégé par le tribalisme, où t'es en mode bah, moi j'étais groupe Joël et tous les autres c'est des méchants, des enfoirés, nous on est les gentils, les autres c'est des méchants, alors que bah voilà, on t'a fait passer dans l'autre camp. Et comme on le dit, il y a un premier miroir, on va revenir dessus en détail, mais un premier miroir, Ellie, Abby, qui ont un peu une quête un petit peu similaire, un petit peu décalée, mais ensuite. Bah, Abby, c'est la Joël en fait de Last of Us 2, tu vois. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, tu vois, sur le côté que c'est la Joël, parce que ça dépend comment tu le prends. Abby, elle part de sa vengeance, c'est-à-dire qu'elle a fait son truc, tu vois, elle a fait son crime, elle est allée au bout de son truc, elle se dit, ah, en fait, ça m'a rien fait, ça n'a pas solutionné. Donc, je vais essayer justement d'arrêter de tuer des gens, d'arrêter de faire ça. Alors, je vais continuer à le faire pour protéger Lev, mais. Tu te dis que c'est pas, je trouve qu'elle est pas dans la même disposition que Joël, tout c'est à fait, c'est pas calqué, mais je trouve que Lev représente pour elle ce que Ellie a pu représenter pour Joël. Non, ça me redonne un sens, je suis d'accord, mais c'est pas le même, c'est pas Joël. Non, mais c'est juste, je termine juste là-dessus, mais Lev, c'est Lev qui empêche Abby d'égorger Dina, par exemple. C'est lui qu'elle va sauver avec Yara quand elle se rend compte que voilà, elle est pas en paix avec elle-même. Il y a ce côté, Lev, il représente sa rédemption, il la rattache à son humanité, etc. Et c'est ce que Joël avait vis-à-vis d'Ellie, ouais, tu vois. Oui, ça, il y a quand même bien, ça, tu vois. Je suis bien d'accord là-dessus. Un truc que je trouve vraiment intéressant avec cet univers, c'est que, tu vois, ce que tu disais à l'instant, Max, ça m'a fait réfléchir sur le côté, oui, la team Joël était là, mais en fait, c'est vrai que c'est difficile parce que le jeu n'est pas dans une relation moraliste. En fait, il essaye pas de nous montrer les gens comme étant des gentils ou des méchants. Il y a quand même cette espèce de zone grise où le jeu nous montre tout un tas de nuances et tout un tas de trucs. Et The Last of Us 2 essaye en permanence de nous faire justement réfléchir sur le fait que ben, tous ils sont violents. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet objectif de survie, tu vois, c'est le prétexte. Si cet univers-là, il n'était pas aussi violent, personne n'aurait besoin de tuer son prochain, il n'y aurait pas de raison. Et donc, avec ça, ils essayent simplement de montrer que tous a besoin de cette violence-là, elle est justifiée pour tout le monde, en fait. Mais pas dans une question morale, c'est simplement pour un objectif de survie. Non, et puis on comprend chaque personnage, on comprend leurs envies, leurs émotions, on comprend où ils en sont, même si Ellie, on peut être un petit peu déconnecté à un moment, se dire, mais attends, à quel point tu pars et un après, peu loin. Tu comprends qu'il y a ce PTSD, qu'elle a ce truc qui revient toujours en tête et que voilà, c'est pas parti. Ce truc de se rabibocher avec Joël, pour moi, c'est voilà, le dernier pièce du puzzle, de dire, ok, en fait, j'avais pas compris dans quel état vraiment elle était par rapport à sa relation, pourquoi elle part dans cette vengeance. Donc, il y a quand même logiquement tous les éléments pour te donner les deux points de vue, et c'est vrai que personnellement, je trouve que cette confrontation à la fin finale, même au théâtre, je la trouve très forte parce que justement on a accompagné les deux manettes en main. Ça aussi, c'est quand même important en fait de les avoir incarnés, d'avoir partagé cette routine de jeu avec les deux. Ça permet au moment, moi vraiment, quand on arrive au théâtre avec Abby, je me dis, mais je vais jouer qui ? Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment une question que je me suis posée. Je me dis, bah ça, ils ont réussi à faire quelque chose qu'il n'y a pas trop d'autres jeux qui montraient, parce qu'il y a un antagonisme entre les deux protagonistes, et ça, c'est assez intéressant d'avoir voulu l'explorer. C'est ça, à l'échelle des personnages, moi je trouve le jeu intéressant, parce que ce qu'il dit vraiment sur la vengeance ou sur le fait que bon, le monde n'est pas blanc ou noir mais gris, voilà, c'est, moi j'ai, je trouve pas ça particulièrement, il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil, quoi. Voilà, on pourra revenir voilà, sur toutes ces réussites là, sur les grands thèmes, mais c'est vrai que là où je trouve que le jeu réussit bien, c'est bah, dans sa construction de personnages, sur leur motivation. C'est aussi le pari du jeu depuis le 1, c'est ça, je crois que c'est Ellie Gross qui le dit, on veut pas les rendre likeable, on veut les rendre relatable, tu vois, les comprendre, pas qu'on les aime, mais qu'on les comprenne. Et ça, je trouve que le jeu, il réussit bien, tu vois, là-dessus, en tout cas, sur le côté motivation des persos, ça c'est bon, je trouve que ça réussit. Hein. Bah, ils en font des tonnes, c'est-à-dire que vraiment, ils vont rajouter des scènes, ils vont rajouter des séquences, ils vont nous montrer la séquence, tu vois, un peu idyllique, assez improbable avec le papa et le zèbre, etc., alors qu'ils sont censés être dans ce monde qui est, tu vois, enfin, je veux dire, le soleil, il est tout beau, tout est beau, machin, et c'est bon, je vais rejoindre les Fireflies, t'as l'impression qu'elle a été choisie pour aller à Poudlard au début, quoi. Donc, ils ont vraiment tout fait dans leur mise en scène pour nous faire apprécier Abby. Et ce que j'ai trouvé, moi, par contre, très cool en termes de narration, c'est comment ils distillent ces fameux flashbacks et comment ils nous réservent le flashback qui permet, tu vois, de, qui est la clé de tout ça, qui nous le garde pour la fin. Et je trouve ça super parce qu'en plus, ce qui était marrant, c'est que c'était un des premiers trailers du jeu qui nous avait montré. C'est la suite. La fameuse séquence, la suite, tu sais, de la fête. Fantômes. C'est ça, ouais, de la soirée où t'as Dina qui embrasse Ellie, qui a été une séquence qui avait déjà, moi, qui m'avait bluffé sur le côté technique. Je pense qu'on en reparlera juste après. Et le fait de nous donner ça à la toute fin du jeu, c'est comme ça que tu as ce déclic de « Ah oui, d'accord, je comprends, voilà, les motivations, etc. » Par contre, dès que tu quittes le jeu, et je pense qu'on... Enfin, moi, j'ai envie de le dire dès maintenant, c'est que une fois que j'ai arrêté le jeu, je me suis dit « Ben, le truc, c'est que savoir que la violence, ça ne mène à rien, et que la vengeance, ça ne sert à rien, et qu'une fois que tu t'es vengé, ben, t'es toujours aussi triste. » Je veux dire, je l'avais déjà lu, je l'avais déjà vu dans des centaines de films, je l'avais déjà lu dans des milliers de livres et dans des milliers de jeux. Le principe de la vengeance est un truc qu'on connaît tellement dans la fiction que le voir traité dans The Last of Us m'a pas permis d'en apprendre quelque chose de neuf. Par contre, son traitement était original et jusqu'au boutiste, on n'avait jamais vu ça dans un jeu vidéo, ça on peut le dire, je pense. Bah, c'est l'occasion de se pencher du coup sur le fameux miroir entre Ellie et Abby, puisque c'est vraiment ça, de toute façon, le pari, en tout cas la proposition du jeu, de nous faire jouer Abby après nous avoir fait Ellie, cet effet miroir. Et on appuie vraiment justement ce côté au début, Ellie égale Abby. On l'a dit, il y a les flashbacks, chacune elles vont vivre leur flashback, il y avait leur relation. Chacun le petit hub dans lequel elles vont revenir à chaque fois. Donc il y a le théâtre qui est en miroir, c'est l'aquarium avec Owen. Il y a aussi le chemin inverse, hein, puisque voilà, Ellie poursuit Abby. Oui, il y a ça, mais elle vraiment fait la descente aux enfers pour aller jusqu'au point de la vengeance, alors que Abby, elle, part du point de la vengeance et va remonter un peu petit à petit un truc. Donc, c'est ça, elles ont leur quête en fait, où, et elles ont chacune ces traumatismes, hein, parce qu'on le dit, Abby, à un moment, après avoir tué Joël, se réveille en pleine nuit, et c'est d'ailleurs une scène jouable aussi, où tu vas courir vers l'hôpital, vers le père qui est encore mort, et se rendre compte que ça va pas, et c'est après avoir sauvé Lev et Yara que tu cours vers l'hôpital et le père est paisible. Donc dans ses rêves slash traumatisme, il y a l'état d'esprit de Abby par son père. Et dans la grange, quand t'es avec Ellie, elle a ce traumatisme, ce PTSD avec Joël. Et pareil, ça représente encore une fois son état. Elle se rend compte que ça ne va pas. Et après, et quand elle tue Abby, ce qui la raccroche à l'humanité, c'est encore une fois c'est son père. C'est juste qu'Abby avait un coup d'avance, quoi. Et pour continuer sur ce miroir, il y a aussi, on découvre Jackson, il y a toute une scène où on marche à travers Jackson, on voit des cerfs, on voit des enfants qui jouent, l'état d'esprit un peu de Jackson. Il y avait un dialogue qui était intéressant, tu vois à un moment, des parents qui regardent leur enfant jouer, et ils en sont, tu vois que t'es au stade d'après du post-apo, parce qu'ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va leur dire aux enfants, est-ce qu'on leur... Je sais plus comment c'est tourné, mais il y a ce côté, comment est-ce qu'on va les initier à la violence, est-ce qu'on les protège de la violence, est-ce qu'on les intègre à ce monde, tu vois, il y a cette question sur la génération d'après. Enfin bref, t'as toute cette découverte de Jackson, t'as la chambre d'Ellie. Et avec Abby, t'as exactement le même process. Tu parlais du stade, voilà, avec encore une fois les petits potagers et tout. On va voir la chambre aussi, elle est en coloc avec Manny qui est d'ailleurs un peu le Jesse. Ils ont le même mort, ils se prennent juste une balle dans la tête et on passe à la suite parce que l'action continue. Donc ouais, il y a tous ces petits miroirs, toute cette scène qui se répondent entre elles. Moi, ce dont j'ai envie qu'on discute un petit peu, c'est comment ils ont séquencé tout ça. Parce que c'est quand même un choix particulier de dire, bon bah ok, on va commencer, on va faire vivre toute la partie d'Ellie sur 3 jours, et ensuite on va nous faire vivre les 3 jours d'Abby, et ensuite confrontation, ensuite on re-switch. Et c'est vrai que moi je me demandais, je pense qu'ils sont passés par plusieurs étapes, genre est-ce que ça a pas commencé genre on vit jour 3 d'un côté Ellie, ensuite jour 3 côté Abby, tu vois, il y aurait pu avoir des ping-pong exactement comme ça. Et c'est vrai que malgré tout, je me dis dans tous les cas, en fait c'est assez laborieux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, bon bah on va faire tout le truc Ellie, et ensuite quand il faut redémarrer avec Abby, il y a quand même une espèce de rupture dans le rythme du jeu qui est assez forte, parce que bah il y a cette espèce de gros cliffhanger. Et en fait, une fois qu'on a compris, qu'on se dit ah ouais, en fait je vais devoir faire les 3 jours avec Abby, tu te dis bon bah là je re-signe encore pour aller 5-6 heures de jeu, enfin tu sais pas combien de temps ça va durer, mais dans les faits tu signes pour aller 5-6 heures de jeu avec Abby jusqu'à rejoindre le théâtre. Et je me demandais, j'essayais de me poser la question, voilà, est-ce que ça aurait pas été mieux mené si c'était jour 3, jour 2, mais en fait je me dis dans tous les cas ça aurait été assez laborieux. En fait, ce côté, ce choix d'avoir fait ce jeu vraiment en miroir, qui est presque un double jeu même, je trouve, dans sa construction, j'ai l'impression de voir une saison 2 et ensuite la saison 3 avec vraiment le final culminant. Et ils sont partis avec cette ambition, ils ont fait vraiment ce choix créatif qui a tout défini, hein, comme on l'a dit dans ce qu'ils ont fait. Et c'est quand même laborieux, même si le payoff, je trouve, de la confrontation marche bien. Il y a un côté, voilà, tu sens les artifices, tu sens les flashbacks, et puis quand tu comprends que justement tous les motifs dont on a parlé, bah intellectuellement ils sont intéressants, mais quand tu les vis en jeu, tu sais, c'est un peu prévisible, tu sais, quand tu retournes la troisième fois à l'aquarium, tu fais « Ah, et on retourne à l'aquarium, machin, comme on retournait au théâtre ». Il y a un côté redondant, il y a une redondance en fait obligée, puisqu'on fait un miroir, on fait l'autre reflet qui se noue comme ça au deuxième, et je trouve ça difficile quoi. Vraiment, moi à titre perso, je me dis que c'est pas un échec du studio, parce que c'est pas le cas, mais c'est une espèce de un peu de contresens par rapport à ce que fait le jeu vidéo, parce qu'en réalité ça, je pense pas qu'on dirait la même chose s'il y avait pas le gameplay. Tu vois, si on devait pas jouer, si ils nous forçaient pas à refaire des séquences d'infiltration, revoilà des zombies, revoilà des stalkers, revoilà des humains avec des chiens, où tu dois refaire en fait les mêmes choses, en plus tu repars de zéro, puisque bon bah Abby, il faut lui redonner des niveaux, il faut relire des livres, il faut refabriquer des bandages, des pointes de flèche, tout ce que tu veux, enfin, ou elle a peut-être pas d'arc, elle a un autre truc, mais tu revis la même chose. Bizarrement, là, le gameplay alourdit, ouais, en fait, ouais, je trouve l'expérience plus qu'il ne l'aide, alors qu'en réalité, il devrait l'aider, parce que justement, comme tu l'avais dit tout à l'heure, très justement, le fait d'incarner Abby et Ellie manette en main, c'est ça qui fait qu'on s'attache. Tu vois, ça, oui, c'est le. Ça fonctionne quand même. Ça c'est le code du jeu vidéo, du dire je joue ce personnage-là, ouais, donc je m'y attache et j'ai envie de l'aider parce que j'ai envie de progresser. Tu vois, c'est vraiment le béaba du jeu vidéo, j'ai envie d'aller voir la suite, donc je vais aider et petit à petit, peut-être comprendre et même apprécier ce personnage. Mais ça devient parfois trop lourd, tout simplement. Ouais, je suis d'accord que c'est probablement le gameplay qui vient leur dire ça, parce que d'un certain côté, c'est nécessaire que la partie d'Abby soit longue. Un minimum. Voilà. Moi, il y a le moment. Bah, quand... Oui, t'as besoin d'un temps. C'est ça. Quand, tu vois, à la fin, pour moi, le jeu, il réussit son pari. Quand je vois Abby sur les poteaux, tu vois, alors que je suis en train de jouer Ellie, je suis pas bien. Tu vois, vraiment, le combat de la fin sur la plage, il est vraiment éprouvant. Mais il a fallu jouer Abby, il a fallu jouer Ellie, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, comme tu le dis, c'est un peu chiant de se retaper plein de trucs avec Abby. Et oui, je pointe aussi un petit peu du doigt le gameplay qui est assez redondant. Et comme tu le dis, côté RPG, on repart de zéro, c'est un peu bizarre. Et côté gameplay, moi, ce que je trouve le plus redondant, on en parlera peut-être plus en détail après, mais. Bah, les zombies, tu vois, enfin, toutes les phases avec les zombies, je les ai un peu subies. Le truc, c'est que le jeu, il dure 25 heures. Les zombies, ils n'évoluent pas. On t'introduit, alors vite fait, les espèces, je sais plus comment ils appellent, les bloaters, peut-être. Oui, les gros, ceux qui explosent. Ouais. Bah. Bon, voilà, c'est ça la nouveauté par rapport à. De toute façon, les zombies sont pas nécessaires dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en a plus besoin. Autant dans The Last of Us, la menace est là, puisque ben, l'enjeu, c'est l'immunité de. C'est Koh-Lanta. C'est l'immunité de Ellie, pardon, je suis désolé. Donne un peu cœur à l'histoire de The Last of Us 1, mais dans Last of Us 2, comme c'est une vengeance entre deux personnes, les zombies, en fait, ils sont juste là pour nous faire chier, tu vois. C'est-à-dire qu'ils seraient pas là. C'est une part de la formule, de la recette du jeu, c'est du core gameplay, ça te met sur le côté survie, infiltration, ils ont des comportements qui sont différents des humains, donc c'est juste un problème différent. Enfin, moi je trouve qu'ils sont assez fonctionnels en fait dans la recette, même si je quand même salue aux petits zombies qui se cachent. Moi je les aime bien. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, Maxime, sur le côté genre il y a plus trop d'introduction, moi j'avais vraiment vu, tu vois, quand t'es à la fin de Ellie avec les bateaux et tout, tu sens que le jeu il a passé la cinquième vitesse et qu'en fait bah derrière il y a plus rien en fait. Alors Abby, il y a quand même vraiment des séquences super intéressantes, il y a plein de moments qui sont super cool, le patient zéro, il y a plein de trucs, de moments de pic qui sont vraiment intéressants, qui pour moi sauvent le jeu littéralement, parce que je pense que si c'était juste un truc assez routinier, ce serait vraiment flingué, on subirait vraiment la partie d'Abby. Et puis bon, j'aime aussi beaucoup le personnage d'Abby, je m'y suis bien attaché, donc ça marchait bien sur moi. Mais par contre, c'est vrai que bah voilà, tu termines Elite, t'as l'impression que t'es arrivé au bout de ce que tu vois, de ce que le jeu il va arriver à proposer en termes de composition, en termes d'enjeux des combats, etc., d'exploration, de puzzle. On est quasiment au stade ultime, et du coup bah tu te dis c'est reparti pour 10 heures où on continue à être sur la cinquième vitesse, on est un peu sur l'autoroute, et l'autoroute c'est long à la fin quoi. Ouais, c'est assez compliqué parce que ça demande quand même un investissement qui est assez complexe, parce que comme tu l'as dit, on sait pas quand ils ont créé le jeu, ils savent pas à qui vont s'adresser. Ils vont avoir des gens qui vont être dévastés par la mort de Joël, d'autres qui vont être complètement hermétiques au fait de devoir jouer Abby, et donc malgré tout ils ont fait ce choix de nous imposer leur vision de c'est pas grave, ça doit durer 15 heures et ensuite ça va durer 10 heures et puis tu crois qu'il y a le happy end, non, il y a l'épilogue, etc. Et ça par contre c'est un truc que je trouve vraiment très intéressant, c'est-à-dire je sais pas combien de studios aujourd'hui seraient capables de dire dire, alors notre protagoniste, on va le tuer dans les 3 heures, le jeu, on va le faire durer 15 heures de trop parce que bah, on a envie, on a besoin de ce temps-là. Non mais il y a un truc, par exemple, le fait qu'Abby ça soit long, c'est nécessaire parce que si tu l'as joué que 20 minutes, ça ne marcherait pas. Tu n'aurais pas le temps, donc tu es obligé. Donc nous, ce qu'on s'est dit entre nous régulièrement et dès la sortie du jeu, c'est bah, à ce moment-là, ils auraient pu nous faire jouer Ellie moins longtemps puisqu'on la connaît. Sa trajectoire, en fait, on la comprend assez vite. Et on l'aime déjà énormément, le personnage, alors on l'aime de moins en moins pour mais moi, je ne l'ai pas moins aimé. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas déconstruit complètement Ellie. Je me dis juste, ben, cet univers-là, moi, j'avais déjà, tu vois, j'avais déjà intégré l'idée que la morale n'existe plus. On est dans une situation où on n'est plus dans le bien, le mal, la civilisation, je ne sais pas quoi. C'est la survie. Et donc, la survie, ben, j'ai vu Walking Dead, on a vu plein d'œuvres. Mais là, Ellie, elle n'est pas en train de survivre. Ellie, elle, c'est pas le bon plan pour survivre, ce qu'elle est en train de faire. Elle est dans une quête vengeresse. Moi, c'est ça qui me. Pas que j'aime pas le personnage, mais où j'aimerais lui dire. Enfin, comme lui disent les autres personnages, en fait. Ça, ils essaient de la raccrocher à la réalité, dire en fait, ce que tu fais, ça va rien t'apporter. Et ça, le problème, c'est peut-être qu'on le sait déjà, que ça va rien lui apporter, et que finalement, bah, le jeu, tout ce qu'il va construire après, et tout cet artif. Enfin. Tout ce montage narratif, même si encore une fois je trouve que c'est plutôt bien exécuté, que même si je trouve le jeu un peu trop long, bah cette longueur elle justifie plein de choses et ça marche, bah à la fin... Oui, ouais, à la fin c'est ça, c'est la violence, ça ne mène à rien, et t'es là, mais on le savait, enfin on le savait avant. Donc c'est vrai que moi, c'est pour ça que je arrivais à la fin de l'année quand on dit ah oui les GOTY, The Last of Us, jeu de la génération, le 2, ben... Non, parce que c'est un énième jeu qui nous dit, ou une énième œuvre de fiction, parce qu'on peut même écarter, tu vois, avec les livres, les pièces de théâtre, ce que tu veux, où la vengeance te laisse un goût de non-fini. C'est pas le fait de tuer l'autre personne qui va te sauver, ce n'est pas ça. Et l'autre message du jeu, pareil, j'avais pas besoin de The Last of Us 2 pour me dire, oui, les gens, enfin, quand il y a bagarre, les deux, ils ont leur raison, tu vois. Enfin, oui, c'est de ça. Juste dire, parfois, tout le monde a raison, tout le monde a tort, tu dis... Oui, bah je le sais, en fait, j'ai pas besoin de 25 heures de jeu. Après, tu peux apprécier le trajet. Il y a des choses, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, hein. Moi j'ai, en fait, autant je suis d'accord, c'est un peu long et tout. La partie d'Abby commence à devenir lassante, en fait, parce qu'il y a long et il y a lassant, tu vois. Il y a éprouvant et il y a lassant. Et pour moi, Abby, ça commence à devenir un peu lassant. Et c'est vrai que je serais plutôt du parti de peut-être raccourcir la partie d'Ellie avant. Mais l'épilogue, je trouve ça important que ce soit éprouvant. Vraiment, la scène de la plage et Ellie qui rempile, qui fait son sac, qui dit putain, elle repart. Enfin, parce que ça l'est, tu vois. C'est vécu par Dina et tout, comme un truc vraiment aberrant. S'il n'y avait pas eu cette boucle, cette répétition, ce truc-là, tu serais pas en mode, putain, mais meuf, tu repars, quoi. Enfin, vraiment, moi, quand elle se barre, je dis, mais t'es sérieuse, meuf, tu lâches là les deux, là, tu t'en vas. T'as les petits moutons, elle a une platine vinyle qui fonctionne. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est réussi. Mais c'est vrai que quand, tu vois, moi, je me souviens vraiment, je crois que c'est quand on joue Abby, t'es sur les docks, et il y a un moment, alors je sais plus, une espèce de bateau, peut-être de croisière ou quoi. Ouais, c'est avec des zombies et c'est des arènes avec des zombies, et moi vraiment je soupire, je dis, non mais j'en ai marre en fait. C'était pas le bon sentiment, ça. Donc c'est un jeu, moi, qui m'a laissé un goût assez différent, parce que alors on peut peut-être avancer un petit peu dans notre réflexion sur le fait que d'un point de vue, alors là on a peut-être dit des choses, vous voyez, un peu négatives. Par contre, si on regarde le jeu d'un point de vue purement technique et ce qu'il essaye de faire en termes de production value, je pense qu'on va mettre pas mal d'années avant de voir un jeu qui nous met une claque pareille. C'est-à-dire que moi j'ai jamais vu un truc pareil. Bah moi là je suis en train de jouer à Ghost of Tsushima qui est sorti un mois après. Bon, c'est un open world, c'est pas les mêmes contraintes et tout, mais il y a un monde, il y a un monde dans les détails, les animations faciales. Alors bon, on parlait du crunch au début chez Naughty Dog, évidemment ça fait partie des choses qui permettent ce défi technique, mais c'est vrai que le jeu se met complètement à part à et ce c'est même quoi. Tellement à part que tu vois, limite tu viens à l'oublier. C'est-à-dire que quand je pense à ce jeu-là, tu vois, je me dis pas, bah oui, mais cette excellence technique, c'est plus 3 points, tu vois, par exemple, mon avis. Ouais. Moi, je prends vraiment le jeu pour ce qu'il nous propose en termes de narration, et toute cette débauche de détails, limite, j'arrive à complètement m'en détacher. Alors que à 30 secondes, je regarde le jeu, et je me rends compte que les contacts entre les trucs, tous les détails, j'ai écouté les podcasts, là, donc, où il y a une animatrice qui explique, qui liste à un moment le genre de trucs débiles auxquels ils ont pensé, qui n'ont aucun sens. Ils ont fait de la motion capture pour les chevaux, pour les chiens, c'est-à-dire qu'ils ont créé des combinaisons de motion capture pour des animaux, ils ont créé un système où la pression sanguine de Ellie va changer la couleur de ses joues en fonction de comment elle respire, de la température, de sa fatigue. Il y a eu tout un topic sur Twitter où il expliquait justement la respiration, comment était gérée. Enfin, tout ce genre de détails qui ne servent absolument à rien. Oui, c'est vrai que c'est du chichiteux, tu sais, on est dans le 99,9999% de photoréalisme, tu vois, et tu te dis, mais les gars, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a une espèce de folie, tu vois, chez Naughty Dog, de cette poursuite de on est talentueux, on a du blé, on a du temps, et on est... On est au sommet. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ben, on gratte, tu vois, les petits pourcents supplémentaires pour aller encore plus dans le réalisme. En fait, ils étaient sur le sommet, ils étaient mettre sur les doigts de pied, tu vois, et on prend quand même quelques petits centimètres en plus. Alors on qu'ils auraient dû sauter. Alors qu'ils en ont fait 4 km. Mais oui, peut-être qu'ils auraient dû sauter, Benoît, exactement. Autant il y a des choses, je me dis, comme les personnages, l'acting et tout, il est hyper important. Tout ce qui va être animation faciale, le réalisme, je trouve que ça sert le jeu, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, avoir les joues un peu rosies ou faire de la mocap de cheval, alors que ça se trouve, là je ne sais pas, mais ça se trouve ils auraient juste gagné plus de temps en reprenant des animations ou quoi, enfin des chevaux ça fait longtemps qu'on en anime de façon plutôt correcte, enfin moi je me suis pas dit la sauvage, j'ai pas dit ah ça c'est un cheval bien animé, tu vois, moi je connais bien les chevaux, ça c'est vraiment bien, mais peut-être que c'est le cas, tu vois, depuis Shadow of the Colossus un cheval on sait comment s'anime, quoi. Mais en fait je me demande s'il y a des choses qui sont pas plus de la fascination pour le challenge technique de quelqu'un qui se dit on va faire la mock-up cheval, parce qu'il y a des gens vraiment c'est ça qui les habite, et comme dans le cinéma il y a des gens ils veulent pas tant raconter une histoire ou quoi, qui des réalisateurs qui vont plus être obnubilé par le côté vraiment technique, effets spéciaux, la caméra et tout, le stunt, arrive à faire ça. Et dans le jeu vidéo, ça fait partie, il y a des gens comme ça qui vont être obnubilés par ça, mais il y a un moment tu dis, mais en fait, moi concrètement, après, moi je suis personne, mais j'ai envie de dire, si ça vous a pris plus de temps de faire la mock-up de cheval, mauvaise idée. En fait, là, c'était pas bon pour le jeu, c'est là pas que une le jeu décision. Vidéo, tu vois, il est à cette transition entre, oui, l'œuvre résultat, c'est de l'art, mais le process, les Anglais, ils parlent de craft, tu vois, on peut parler d'artisanat où il y a une espèce de recherche d'excellence, tu vois, de maîtrise de leur art et de leur œuvre, où ils vont aller très très loin. Et par contre, c'est vrai qu'en termes de réalisation, on a jamais vu ça. Enfin, vraiment, encore une fois, moi je reviens sur cette scène qui m'avait vraiment bluffé, et encore aujourd'hui, c'est peut-être un des meilleurs souvenirs que j'ai de ce jeu. C'est quand Dina elle embrasse Ellie, tu regardes les deux personnages, leurs lèvres se touchent, les lèvres, tu vois, tu sens que c'est des trucs charnus qui changent de forme, etc. C'est pas des trucs dégueulasses de polygones qui se mélangent comme on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Et tu te dis, mais. C'est fou. Et quand elle en parle dans son podcast, l'animatrice qui explique qu'elles ont passé des mois à... Ils ont refait l'intégralité, hein, je l'ai dit, des outils par rapport à Uncharted 4, juste pour, par exemple, faire en sorte que les doigts, ça soit vraiment les doigts et la pulpe de chaque petit bout de peau qui bouge la corde de la guitare. T'es là, mais vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Mais c'est ça le problème, parce que tu parles de craft, d'affinage et tout, mais en fait, le jeu vidéo, par sa nature liée à la technologie... Mais tu peux, il y a pas de limite en fait, c'est ça, il y a vraiment pas de limite, et là tu sens que Naughty Dog ils font partie de ces espèces de studios qui, tu sais, ils nagent un peu dans l'infini comme ça, et parfois ça leur coûte, tu sais, des membres un peu, tu sais, comme dans Fullmetal Alchemist, ils passent à travers le portail, et non, en fait on va devoir prendre ça pour pouvoir continuer. Quand on est au stade où il faut regarder des compiles sur YouTube ou entendre des commentaires podcasts pour te dire en fait ce qu'il y a dans le jeu auquel tu as joué, c'est peut-être que c'est le signe qu'il te faut un producteur, c'est en fait, pour trop, dire peut-être trop, il faut peut-être un producteur qui dise non mais ça arrêtez, ça sert à rien, tu vois, mais bon, je pense que ça c'est une vraie question qu'on peut se poser, tu vois, après des jeux comme Cyberpunk, comme Red Dead 2, comme The Last of Us, qui sont vraiment des prouesses techniques plus ou moins réussies non mais qui sont en tout cas avec des ambitions exactement. Tu vois, stratosphériques, où vraiment ils se disent sky is the limit, non c'est space is the limit, tu vois, on va aller plus loin encore. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait pas mettre le holà sur ce genre de choses-là? Moi, c'est un peu ce que m'a fait proposer le jeu. Parce que, à l'inverse, d'un point de vue pur plaisir technique, moi-même, tu vois, en tant qu'amateur de jeux vidéo et jeune réconcilié avec les AAA, j'en ai pris plein la gueule. Je me suis éclaté à faire mon mode photo. C'est génial. La moindre frame de The Last of Us 2, c'est une œuvre d'art. C'est, je veux dire, en termes de photographie, les compos, elles sont folles, les couleurs, non, la lumière. C'est tout plaisir est en termes d'animation, magnifique. Les personnages. Oui. La manière qu'ils ont simplement de poser leurs mains sur les murs, de grimper sur les trucs, enfin voilà, il y a quelque chose d'extrêmement plaisant. Puis il y a des scènes qui sont folles, tu vois, on l'a pas dit, mais la scène du musée avec cette séquence qui est ultra émouvante, où on la voit avec son petit Walkman et son petit casque en train d'écouter le lancement d'une fusée. Il y a une minutie, tout un tas de détails comme ça. Qui transpire dans chaque truc. D'ailleurs, là, on se plaint des bras d'Abby, mais son Walkman, elle saute dans l'eau après, il fonctionne bien. Moi, je suis pas d'accord, ça marche pas. Ça marche pas, c'est univers. Non, mais après, le problème, c'est que c'est très subjectif aussi. Enfin, personne va être le grand arbitre, enfin, ce serait le rôle d'un producteur en partie, mais de dire ça on garde, ça on enlève. C'est pour ça que je disais, moi je suis personne pour dire que la mocap des chevals c'est trop. C'est comme la corde, moi ça m'a impressionné, la corde, la physique de la corde et tout. Mais à côté de ça, j'ai pu voir des gens, ça peut être sur Twitter, des gens qui disent ouais, bon, je vois des gens s'excéder sur la corde, on s'en fout, tu vois. Si ça fait cruncher des gens, la corde, on s'en fout. Et c'est pas complètement faux non plus, tu vois, c'est très subjectif. Autant j'ai eu un effet waouh sur la corde, voilà, c'est chacun ses sensibilités. Et puis surtout qu'il y a un côté, bah, c'est quand même profondément technique, parce que bon, cette corde, j'ai vu des gens qui disent, on aurait pu faire des supers idées de gameplay avec, tu vois, attacher des cliqueurs, créer des situations un peu comme ça, et ça, le jeu ne le fait pas du tout. Et c'est vrai que là, sur le côté game design, je peux difficilement, alors je trouve qu'il y a toujours cette minutie dans le rythme et tout chez Naughty Dog, pour moi ça fonctionne toujours très très bien, c'est un jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir, je me suis laissé porter jusqu'au bout, même s'il y a des moments un peu de souffrance dedans, mais c'est The Last of Us 1.2, c'est vraiment la partie 2, on est vraiment dans le prolongement de risque, On sent les ajouts d'Uncharted 4, on sent le fait de passer dans les hautes herbes, les arènes de combat contre les humains. Moi, je trouve que le moment là, on récupère l'arc avec Abby, qu'on arrive dans les espèces de quartiers un peu résidentiels et que ça commence à se battre avec Ellie, les chiens et tout, avec Ellie, pardon, excuse-moi. Ouais, elle est incroyable cette arène. Je trouve que là, le jeu, je me suis dit, on commence à prendre un peu de l'ampleur sur les combats, il y a de la verticalité, on passe à travers des murs, il y a des trucs qui se brisent, les chiens qui nous contournent, les ennemis qui... Là, il y avait vraiment moment où je me suis dit, les combats, ça dans le 1, ça ils y arrivaient pas, ça ils savaient pas faire comme ça. Ouais, j'ai clairement eu ma claque aussi, même moment, tu vois, je crois que Jessie te rejoint et tout, et t'as vraiment une maison, tu peux aller à l'étage. Moi j'étais en mode, tu sais, tu vas en haut, tu tires sur un, j'ai mis une mine, c'est en bas des escaliers, comme ça je sais que s'il y en a un qui me contourne, je l'entends péter, hop, je saute par la fenêtre, je me casse. Il y a eu tout ce level design, comme tu disais, avec des fentes dans les murs et tout, enfin tout le monde peut se contourner, rejoindre, on dirait un level design de jeu d'horreur, tu sais, où tu serais la proie et tu peux te faufiler un peu partout, il y a l'alien ou je sais pas qui te course. Et en fait, ces arènes-là, le gameplay contre les humains marche super bien. Le pari de pouvoir s'enfuir aussi, de se casser en courant, ils te perdent de vue, comme ça tu peux mieux les contourner, mieux les surprendre, etc. Avec les chiens qui vont venir d'où tu viens. Et il y a plein d'arènes différentes. On se souvient, tu parlais du trailer où il y a le baiser entre Dina et Ellie. Entre les deux, ils montraient en gameplay le parking. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne arène aussi, parce qu'il y a des moments effondrés du parking, ça crée aussi beaucoup de verticalité. Tu vas pouvoir tricher, entre guillemets, t'es pas obligé de prendre l'escalier de service. Non, tu peux hop, sauter sur la voiture, tu passes au niveau 2. Alors que le mec est en train de prendre l'escalier, tu passes derrière lui. Plein de contournements, il y en a un autre, je me souviens, t'as des hautes herbes et t'as une espèce de bâtiment en hauteur en fait, et qui surplombe un petit peu toutes ces hautes herbes là. Et tu peux attirer des scars vers toi dans les herbes, mais t'en as d'autres qui peuvent te voir de loin. Enfin, moi je me souviens vraiment de plusieurs arènes et je me dis putain, j'aimerais bien les refaire tellement c'était plaisant. Par contre, ça c'était les arènes contre les humains, et c'est vrai que bah, je le redis, hein, à part les quelques scènes où tu vois les zombies en open space qui se planquent ou le patient zéro ou quoi, les zombies je les ai trouvés. Enfin, je trouve que depuis l'un, il n'y a eu aucun apport. Oui, ça a pas beaucoup bougé là-dessus. Et de toute façon, voilà, on est vraiment dans cette recette, tu vois. Tu viens dans le dos, tu tues comme ça, tu lances le cocktail motel. Bon, voilà, vraiment toute la base du jeu, hein, ce qui fait vraiment le bread and butter, hein, vraiment le truc routinier du jeu. C'est les mêmes mines. Hein, voilà, c'est les mêmes choses, il n'y a pas grand-chose qui a été apporté. On retrouve même un lance-flamme à un moment, il me semble. Je sais pas. Avec Abby, peut-être, ouais, quand le patient zéro, je crois qu'il y a un lance-flamme. Bah, la seule, en fait, qu'ils arrivent chose à faire pour nous faire un peu aller encore plus over the top, c'est quand on est vraiment dans l'épilogue, ils nous filent une mitraillette avec un silencieux, parce que du coup, comme ça, tu deviens vraiment, tu vois, tu dispenses la mort à une vitesse folle. Tu réfléchis même pas. Enfin, moi, tu m'as dit que c'était les crotales, mais je crois que tu m'aurais demandé avec une lampe dans les yeux comment ils s'appelaient, je t'aurais dit qu'ils s'appelaient les hamsters, et c'était pareil, tu vois. Parce que on s'en fout, vraiment, t'en es à un stade du jeu où t'en as plus rien à foutre. Ce qui est intéressant chez Naughty Dog, et ça c'est quelque chose qui a été dit dans un des épisodes du podcast, que tout vient des personnages et tout existe parce qu'il y a ces personnages-là. Et en fait, bah, ça veut dire que le gameplay, fondamentalement, il a peut-être pas besoin d'exister. Tu vois, alors je pousse la réflexion un peu loin, mais ce que je me dis, c'est que effectivement. Là, avec leur, ils sont intouchables en termes de level design, en termes de réalisation, etc. Ils sont vraiment au sommet de leur art, Naughty Dog. Mais est-ce que effectivement, on aurait pu, tu vois, passer moins de temps des fois à faire des trucs répétitifs ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre au bout d'un moment de refaire des bandages pour la millième fois, des flèches, tu vois ? Je comprends que ça puisse faire kiffer des gens. À titre personnel, moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, j'avais juste envie de profiter de l'histoire. Donc, je crois que sur la fin, j'ai passé le jeu en facile. Et surtout, il y a un moment, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un moment super important où je me suis rendu compte que si j'allais au bout d'une arène, tu skips, ouais, tu passes à la suite. Mais ça m'a sauvé la fin du jeu. Vraiment, j'ai dû gagner 4 heures de jeu parce qu'il y avait, je crois que c'est le jour 3 d'Ellie où elle est avec un bateau. Toute cette zone-là, je n'ai tué personne. Je suis allé au bout et j'ai fait, vous me cassez les rouleaux, je veux passer à autre chose. Non, mais j'en avais marre, vraiment j'en avais marre. À ce moment-là, je voulais passer à autre chose. Non, mais il est intéressant ce parti pris de te laisser la possibilité de partir. Alors, c'est pas toujours le cas, parce que parfois, le bout de l'arène, c'est une porte à déverrouiller. Faut genre bouger un meuble qui est devant et ça prend du temps. Et si tu te fais courser par les zombies, t'as pas le temps de t'enfuir. Mais effectivement, bien souvent, contre les humains, tu vas pouvoir te casser, sprinter, faire le tour, ouvrir la porte, te barrer. Et en plus, ça te fait bien comprendre. comprendre que c'est terminé, ils ne pourront pas te courser, puisque Ellie, elle va pousser un distributeur ou une espèce de planche ou un gros objet devant la porte qu'elle vient de fermer, du coup, c'est bon, t'es passé à l'étape. Tu reviens pas en arrière, t'es passé il y a ce séquençage parfois, effectivement, qui est assez visible. Mais voilà, et puis même sur les puzzles, alors il y a des trucs intéressants avec, c'est toujours ce même truc de pousser des caisses, de tirer des cordes, des machins. Pour moi, ça fonctionne toujours assez bien, mais encore une fois, c'est The Last of Us, je connais, il y avait cette réflexion que j'avais pas eue dans la vidéo, j'en avais discuté sur Discord, où il y a ce côté un peu pantoufle, c'est les meilleures pantoufles du monde, hein, c'est vraiment, il y a des petits poils entre les doigts de pied là, qui te chatouillent, c'est les meilleures pantoufles du monde, mais c'est un gameplay quand même que je connais et qu'on connaît depuis 7 ans, on sait comment, on sait parfaitement où il va, et même s'il y a des améliorations, pour moi, 7 ans après, c'est quand même le minimum de ce que je pouvais attendre de la part de Naughty Dog. Pour moi, on est parfois un petit peu trop dans la redite, et je crois que c'est ce qui me... À la fois, en fait, c'est à la fois on est un peu dans la redite, à la fois il y a cette narration qui est ambitieuse, mais qui n'arrive pas non plus à complètement rayonner, exploser, et qui fait que je trouve que le jeu a forcément moins d'impact que le premier, même si en tant que tel, je le répète, parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit ouais, Hugo, il aime pas The Last of Us 2, j'ai passé un super bon moment, tu vois, c'est quand même un 8 coup de cœur si vous voulez les notes, mais vraiment, tu vois, c'est. C'est pas là où j'attendais finalement ce studio qui m'a fait clairement passer quelques-unes des meilleures heures de ma vie en termes de jeux vidéo, parce que sur la génération PS3, pour moi, il n'y a personne d'autre, quoi, à part peut-être Red Dead Redemption, premier de nom, et un certain Dark Souls, mais que j'ai découvert après, mais voilà, tu vois. Et forcément, après le 2, on disait ça, il marchait dans les pas d'un géant, il y avait déjà plein de choses qui étaient installées, Naughty Dog avait déjà montré sa suprématie, en fait, avec The Last of Us, et tu dis, Vous êtes toujours aussi fort. Oui, voilà, ce que vous le faites toujours aussi bien, il n'y a pas de souci, mais on aurait peut-être aimé qu'il saute de la montagne, comme tu l'as dit. C'est peut-être ça. C'est vous qui en parliez, hein, dans Game Next Door, pour le coup, de cette idée que Naughty Dog est peut-être arrivé à une espèce d'impasse, ou en tout cas vraiment de croiser des chemins où ils vont devoir décider par la suite. Et c'est vrai que si leur prochain jeu, c'est encore des espèces de poursuites techniques de forme du jeu vidéo plutôt que de fond, au bout d'un moment, moi, ça risque de me lasser, parce que oui, je trouve ça génial, tu vois, quand je regarde les vidéos YouTube, tu le disais, les compilations sur le système de souffle, les fringues, tu vois, comment son tatouage y réagit, comment la peau elle réagit, etc. Waouh, c'est génial. Mais une fois que je suis dans le jeu, c'est pas ça qui fait le truc. Tu vois, l'exemple que je donnais quand on en parlait entre nous, c'est si Undertale avec ses pixels dégueulasses arrive à me faire pleurer, j'ai pas besoin de cette déferlante technique dans Uncharted ou dans The Last of Us. Ce qui marche, c'est parce que Abby, c'est un personnage qui est intéressant, c'est parce que Ellie, c'est un personnage qui est intéressant, c'est parce qu'il y a des choix de mise en scène. Tu vois, quand ils font le choix de nous mettre dans les yeux de Nora et qu'on se fait tabasser, ça c'est génial, c'est des vraies bonnes idées. Quand ils nous font voir vraiment juste les yeux d'Abby, de Ellie avec son casque, tu vois, ou quand elle monte sur son petit dinosaure, tous ces petits moments-là, c'est des réussites de mise en scène, mais c'est pas des réussites de technique, tu vois. Donc, je sais pas vers où ils veulent aller par la suite, mais je me dis que là, ils sont vraiment à une espèce de croisée des chemins. C'est-à-dire que vraiment, après The Last of Us, après Uncharted 4, je sais pas ce que peuvent faire Naughty Dog maintenant. Je reviens du coup juste sur la scène du musée, parce que c'est une piste intéressante. Il y a aussi beaucoup de maturité, tu vois. Bon, déjà, Last of Us 1, on avait déjà la scène des girafes, hein, forcément. Lesbienne, il y avait beaucoup de scènes comme ça qui étaient très bien. Ils sont aussi forts, tu vois, pour faire des scènes vraiment narratives, sans le fameux gameplay qu'on a déjà vu, surtout sur un jeu de 25 heures, voire plus. Mais il y avait l'épisode de Mark Brown intéressant là sur le musée. Et tu vois que oui, ça aussi, c'est millimétré, tu vois. Il y a plein. En termes de level design, la façon dont ils révèlent les pièces importantes du musée, ils bassent aussi ce qu'ils appellent les navigational techniques, donc tout ce qui va être les marques jaunes ou blanches, les traces et tout ça, ils désactivent parce que comme ça, hop, tu te laisses guider, tu te balades. Il y a plein de petites interactions que tu peux avoir, tu peux monter sur le T-Rex, tu peux prendre le téléphone ou quoi, et ça dure peu de temps, c'est chronométré, enfin entre guillemets, c'est dans un laps de temps qui reste raisonnablement court pour que tu puisses justement papillonner entre différents trucs. Et voilà, il y a tout ce savoir-faire aussi là-dessus, et la scène du musée, c'est une des scènes qui a aussi beaucoup marqué les gens. On en revient aussi aux capacités de production de Naughty Dog, ils ont bossé 2 ans dessus. Ouais. Enfin, c'est quand même pour une scène, tu vois, qui doit durer peut-être une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Bon, il y a un savoir-faire quand même sur du narratif, et c'est vrai que le gameplay, moi je me souviens, je disais déjà ça, je crois, dans le podcast 1, où je disais, moi j'espérais pour le 2, qu'il y ait moins de shoot et plus de scènes inspirées de Left Behind. C'est un peu le cas, tu vois, avec les flashbacks, les scènes du musée, sauf que comme le jeu, il fait 25 heures et que les scènes de shoot sont à 80% les mêmes, à part les arènes contre les humains, qui moi je leur dis, il y en a beaucoup que j'ai adoré. Mais voilà, à part la pantoufle, la fameuse pantoufle qui fait que ça commence à être lassant, autant surtout sur une aussi longue durée. Bon, oui, c'est compliqué. Mais après, de toute façon, le problème, c'est que ces moments narratifs, là, le musée ne marcherait pas si autour, il n'y avait pas le combat. C'est-à-dire que si c'était que du narratif comme ça, je ne sais pas si ça marcherait aussi bien. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais c'est le fait qu'il y ait ce contraste, ce truc très apaisant et tout, qui fait que je pense que ça devient une séquence marquante de fait, parce qu'elle est différente, du reste. Et d'ailleurs, il y a ce moment super, je crois que c'est le musée où ils se retrouvent séparés à un moment. Ah ouais, trop bien, avec les loups, là. Voilà, avec les loups, où t'arrives, donc t'es séparé, je ne sais plus comment. Les sangliers. Alors il y a un sommet, mais il y a des loups empaillés, c'est un sanglier qui t'attaque en fait. Et en fait, t'es dans une, la tension commence à arriver. Tu viens de passer ce super moment avec Joël. Là, elle est toute seule. Et donc, attends, je vais résumer d'abord pour qu'on comprenne mieux. Tu vas dans une zone inquiétante où il y a des écrits sur les murs d'une espèce de un mec qui a tué des gens, qui est un peu fou. Tu comprends pas très bien ce qu'il a fait. Il dit genre ouais, j'ai torturé, je sais pas, des enfants, des femmes ou quoi. Enfin des trucs assez dark écrits sur les murs. T'entends du bruit et d'un coup hop, il y a un sanglier qui arrive en jumpscare et c'est tout. Et là où le jeu a été super intelligent, c'est que pour la première fois de toute cette scène, tu ramasses des objets, t'as de quoi te confectionner en fait un molotov, cocktail molotov, tu peux ramasser une bouteille. En fait, par le gameplay, ils disent c'est parti, là, ça va frapper. Et en fait, pas du tout. Il y a rien, tu vois. Donc il y a une maturité à ce niveau-là. Ça, c'est les meilleurs moments du jeu pour moi. Ouais. C'est quand le jeu il essaie de te minder un petit peu, justement avec la formule. C'est à ces moments-là que je le trouve les plus malins en fait, et que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai échange entre le designer et la personne qui joue, parce que on se communique ensemble. On dit ah ouais, tu m'as mis un petit truc parce que tu voulais me mettre dans cet état-là et j'ai compris. Et ça, pour moi, c'est les meilleurs moments du jeu. Et comme on l'a dit, malheureusement, tout ça, tout ce savoir, toute cette expertise, ça a été mis au service peut-être de messages que nous, on a trouvé un peu fardasse, la vengeance entraîne la vengeance, la violence résout pas tout, et il y a plusieurs perspectives. La vérité absolue n'existe pas dans tout les conflits. Pas noir blanc, tout n'est pas noir ou blanc ou gris. Bon tout ça pour ça. En fait, moi ma conclusion, c'est pour ça, moi Last of Us j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé un peu long, mais à la fin j'étais un peu... Mais j'avais pas besoin de Last of Us 2 en fait. Pour le message qu'il essaie de faire passer, comme tu l'as dit, je l'ai déjà lu, vu dans plein de trucs, parfois pour adolescents, je dis pas ça de façon péjorative, mais c'est des messages très simples, c'est de la morale en fait, mais de la morale que tu pourrais avoir en école primaire, tu sais, il y a des cours de morale, tu pourrais avoir ça, enfin littéralement. Ouais, c'est, en fait, ce qui est... Moi, c'est un jeu où, effectivement, quand j'étais dedans, j'ai trouvé ça génial. À la seconde où j'ai arrêté d'y jouer et je suis passé à autre chose, je l'avais oublié. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la fin de mon année, quand j'ai commencé à réfléchir à mes jeux, tu vois, je me suis rappelé de mes bons moments dans Horizon, je me suis rappelé de mon mode photo, des trucs. Je me suis rappelé plus tard que j'avais joué à The Last of Us. Enfin, tu vois, limite, j'en aurais pas parlé parce qu'en fait, c'est pas un jeu qui m'a plus marqué que ça. Et je trouve ça triste parce que c'est une telle maîtrise technique qui normalement est le genre de choses qui sont saluées. Enfin, je veux dire, on l'a vu, c'est QFD, c'est le jeu qui a gagné toutes les récompenses au Game Awards, c'est le jeu qui a été, applaudi par la critique, parce que justement, c'est le genre de choses, les paillettes, les polygones, etc., c'est ce qui plaît en général dans l'univers du jeu vidéo. Et pourtant, The Last of Us, il nous avait habitués à autre chose. Et là, toute cette débauche-là, à la fin, ouais, c'est ça, tout ça pour ça. Tu vois, c'est triste, parce que je me dis, là, on parle du jeu depuis 2 heures, et à la fin, je me dis, ok, j'ai joué à The Last of Us 2, mais j'en ai pas retenu un truc foufou, j'ai pas appris un truc grâce à ça, alors qu'avec The Last of Us, le premier, je me suis dit, le jeu vidéo est capable de faire ce genre de choses. 7 ans plus tard, on le sait, c'est bon. Donc, The Last of Us 2, en nous disant, être méchant, c'est pas très gentil... Waouh. Tu vois, je suis désolé, parce que c'est vrai que t'as cette espèce de... Je trouve ça, tu vois, ça te prend au trip du genre, mais putain, j'avais pas besoin de ce jeu. Je rejoins Maxime là-dessus, j'avais pas besoin de ce jeu pour ça. On rappelle, le pari du jeu, c'était de te faire détester Abby pour fournir un effort d'empathie, mais comme dit, j'ai jamais détesté Abby puisque je n'ai jamais eu besoin de l'empathie comprendre ne te fait pas défaut. En fait, c'est un jeu pour les gamers, en fait, c'est pour ça, c'est pour vous. Et encore, les plus hardcore, ils ont pas fini de faire le deuil ils de Joël. Ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Non, mais ouais, le premier était pour moi, était vraiment un achievement créatif, en fait. À plein de niveaux pour Naughty Dog, c'était la preuve qu'ils étaient les champions de leur façon de faire. Et 7 ans après, le titre n'est pas remis en jeu, mais déjà parce qu'il y a personne en fait qui peut parce que vous êtes tout seul, et surtout il n'y a pas eu cette réinvention qui je trouve qu'il y a eu plus de réinvention, plus de progrès, plus d'avancées au sein d'une petite génération qui était la PS3, où il y a eu 4 jeux et ils ont tenté plein de trucs. Il y a eu Uncharted 2 et ensuite The Last of Us, où on change d'univers, on tente des trucs, alors que là, c'est ce que je disais un peu dans la vidéo, c'est Uncharted 4, c'est The Last of Us 2, et en fait moi j'ai terriblement envie de les voir ailleurs, sur au moins je les vois pas faire autre chose que de la troisième personne, de l'action-aventure, parce que c'est ce qu'ils savent faire, je vais pas leur demander de faire un FPS, mais par contre J'aimerais bien les voir sur un autre univers et apporter d'autres idées aussi dans le gameplay, dans le game design, parce que là, encore une fois, je trouve qu'on était trop dans... C'est un jeu qui est sage, en fait. Autant sur le plan narratif, c'est un jeu qui est pas sage. C'est un... Tu sais, il a envie de faire tête-tête avec les joueurs et les fans du premier en disant « Bon, on va faire ça, qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais par contre, sur le plan du game design, je le trouve extrêmement... on rentre bien dans les petites cases qu'on sait faire et on va pas non plus trop... Parce que même, tu vois, la scène du musée, bah, tu dis « Bah oui, mais il y a l'FBI, oui, il y a la scène des girafes. Je sais, en fait, que vous savez faire ça. Je le sais, vous me l'avez déjà montré. » Et ce jeu-là ne m'a rien prouvé, en fait, de plus que ce que je savais que Naughty Dog savait faire. À l'inverse que The Last of Us, où il m'a dit « Putain, je pensais pas que ces gens-là, ils pouvaient pull out tous ces trucs-là. » Et ça, quand tu dis ça, tu dis c'est quelque part, c'est assez triste, parce que ce niveau-là d'excellence, normalement, on devrait le saluer à chaque fois. Mais là, on est dans une, c'est un peu dans une espèce de lassitude. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en me disant « Bah, je sais que vous êtes super forts, les gars. » Enfin, tu vois, genre, tu sais, je trouve ça triste. Je sais pas, t'as le gamin, il fait 18, 19 sur 20 toute sa vie, tu vois, et au bout d'un moment, il te ramène son énième 19 sur 20, et t'es là, so what, tu vois, tu veux une médaille, mais t'étais déjà bon avant. Je trouve ça triste, fais tu vois. Fais du dessin maintenant, de la musique, fais quelque chose. C'est pour ça que je pense que ça serait intéressant qu'ils se mettent en danger, en fait, tu vois, d'un point de vue plus créatif, parce que, bah, comme tu l'as dit, ça y est, ils ont fait Uncharted 4, ils ont fait The Last of Us 2. Moi, ce que j'ai envie de les voir faire aujourd'hui, alors je suis pas juge, hein, tu vois, j'ai l'impression d'être le juge dans le truc de cette réalité, c'est juste que j'aimerais bien qu'ils se mettent un peu en danger, qu'ils cherchent à explorer d'autres trucs, qu'ils gardent la même forme, ça me dérange pas, je veux dire, on le sait, ça reste un jeu grand public, l'objectif ça reste de vendre des consoles et d'être une vitesse technique, mais ils ont une telle intelligence, par certains moments, tu sens qu'ils ont une capacité à aller taper dans des trucs que personne d'autre ne peut faire, que t'as envie de les voir explorer ça et d'aller à fond là-dedans, plus que dans des choses que je trouve, je suis désolé de le dire comme ça, convenues. Oui, la vengeance, ben... N'importe quel film de Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme de série B des années 80-90 m'avait déjà fait comprendre qu'à la fin, la vengeance, ben, t'es triste. Ouais, ou... Enfin, voilà, donc... Non, mais voilà. C'est je pas pense qu'on l'a déjà dit plein de fois. Voilà, on, ouais. on va pas épiloguer non plus dessus. L'épisode est assez long, comme le jeu. Voilà, c'est un épisode long, on fait. On va faire comme le jeu, on va repartir. On refait du contexte, on recommence. Non, mais voilà. En fait, je pense que ce qui est important de dire... vraiment qui est important, c'est parce que là j'ai l'impression de, tu sais, c'est un peu les mecs qui râlent parce que c'est trop bien, tu vois. Alors c'est pas le cas, en fait, c'est pas trop bien, parce que faut comparer aussi par rapport au reste du paysage vidéoludique. Hop, vous notez dans votre truc, mais tu vois, quand je vois des trucs comme Outer Wilds, quand je vois même un truc comme Death Stranding, tu vois, qui est pas parfait, hein, mais tu vois, il y a une envie d'essayer de faire quelque chose, de dire bah voilà, on a des moyens, j'ai envie de faire des... c'est ça que j'ai envie d'avoir, c'est à titre personnel, voilà, aujourd'hui ce que je recherche dans le jeu vidéo, c'est qu'on me, tu vois, qu'on me secoue un peu les puces, et quand il y a autant de moyens derrière, d'autant plus, tu vois, quand c'est, et surtout quand c'est un studio qui a déjà été capable de le faire, en fait, qui me l'a déjà fait. Encore une fois, je pense que peut-être je suis peut-être plus exigeant avec Naughty Dog parce que c'est des gens qui ont compté vraiment pour moi, tu vois, dans leur création du jeu vidéo. Je l'ai toujours défendu dans leur création, ça m'a toujours énervé, genre oui, c'est des films interactifs, ça m'a toujours saoulé d'entendre ces trucs là parce que je trouve que justement non, c'est pas ça qui fonctionne. Mais là, bah ouais, les gars, j'ai envie de vous voir ailleurs, j'ai envie que vous me fassiez ce que vous m'avez fait déjà. Surtout, alors je remets une mini pièce dans le truc, mais surtout sur la thématique de la perspective, autant ils sont allés vraiment au bout du truc, ils ont mis beaucoup de moyens dedans, mais il y a déjà d'autres jeux qui avaient un peu effleuré ces thématiques-là, alors sans rentrer dans le détail, mais il y avait un peu de MGS, il y avait du Nier aussi qui explore ces thématiques-là, et c'est ce qu'autant j'avais pu voir, je sais pas, j'ai dû voir des commentaires, genre ça n'a jamais été fait dans le jeu vidéo. On avait cité également Halo 2. C'est pas vrai, tu vois, un changement de personnage, un changement de perspective, ce n'est pas vrai, ça n'a pas jamais été fait dans le jeu vidéo. Ça avait déjà été peut-être dans le plus grand AAA du monde. Oui, voilà. Oui, bah oui, effectivement. Avec autant de moyens et jusqu'au boutiste comme ça, ok, peut-être pas, mais et encore une fois, là, je rappelle, j'avais pas besoin de Last of Us 2 pour ça, mais ça a déjà été effleuré par d'autres jeux, et voilà, c'était bien fait aussi. Voilà. Bon, ça a été un épisode très long. Pour nous, il faut le dire, hein, ça a été peut-être un de ceux qu'on a le plus préparé. Le fait qu'on ait eu des semaines de repos, c'était pas mal. Alors, c'est difficile parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul. On a fait le choix, hein, de parler du jeu assez tôt, finalement, 6-7 mois après sa sortie. Parce qu'on en avait envie aussi. Parce qu'on avait envie. C'est un jeu qui donne envie de parler. Ça, on peut pas lui enlever ça. Non, je pense qu'on pourrait encore parler 4 ou 5 heures. On a essayé, en tout cas, avec l'épisode, de montrer qu'il y avait une espèce d'ambivalence dans ce jeu-là qui nous gêné et qui faisait qu'on n'arrivait pas à le trouver aussi ouf que ça. Et ça, c'est... Il y a quelque chose de frustrant parce que tous on aime Naughty Dog, tu vois, et tous on avait envie de les voir nous surprendre encore une fois. On avait envie de prendre notre claque. Ouais, on voulait prendre vraiment la grosse claque. Et t'es là, genre. Ben, ouais, bon. Donc, Donc au final, bah, je sais pas trop comment ça va réagir les gens, on verra bien. En tout cas, voilà, nous c'était notre lecture de ce jeu-là. Pour revenir, c'est le fait d'en parler maintenant aussitôt. Moi, je peux m'engager devant la France entière, dire je pense pas que le jeu aura l'impact que le 1. Est-ce que de toute façon cette émission suicide dès le départ, peut-être, parce que le 1 a un tel impact en fait, un tel oui. poids dans la culture AAA que c'était de toute façon difficile d'aller se mesurer. Et ils ont fait, je pense, plein de bons choix pour en faire une suite justement qui n'essaie pas trop d'être dans la confrontation avec le premier, d'essayer de faire d'autres choses, etc. Même si voilà, sur le plan de game design, c'est pas forcément le cas. Mais voilà, je pense que dans quelques années, tu vois, même là déjà à la fin d'année, je trouve, tu vois, contrairement, et alors effectivement, il a eu son GOTY des Game Awards, mais tu vois, dans toutes les... Dans toutes les rédactions, c'était Hades. C'est ces jeux-là, en fait, qu'ont ouais. vraiment fait peut-être 2020. Animal Crossing, tu vois, des jeux qui ont vraiment marqué cette année un peu particulière, plutôt que The Last of Us qui est arrivé comme ça un peu en milieu. Et voilà, 5-6 mois après. Oui, il n'est pas dans ma liste de GOTY. Il est là, en fait, bah oui, parce que bah, c'est The Last of Us, Achievement Creative, c'était plaisant et tout. Mais s'il était tombé une année où il y avait, je ne sais pas s'il était tombé en 2019, avec Death Stranding, avec Disco Elysium, avec Outer Wilds, avec tous ces trucs-là. Bah, ouais, je pense que ça aurait été un triple A comme un autre. C'est moins évident. Après, moi, à titre personnel, je pense aussi, tu vois, dans plusieurs années, moi, j'y penserai quasiment plus, les jeux-là. Mais il sera toujours le bon exemple quand on voudra parler de perspective, de changer, de quand ou quoi. Ça deviendra l'exemple type, en fait, et on ne l'oubliera pas pour ça. Mais encore parce que c'est son gimmick en fait. Ouais. Presque tu dis c'est presque ça comme c'est son gimmick. Bah oui, quand on parlera de ce gimmick là, on se dira ah bah il y avait The Last of Us. Il y a d'autres choses, c'est-à-dire que quand on me demande ce que c'est qu'une bonne arène, je vais parler de l'arène du patient zéro en montrant que bah voilà, c'est une zone en termes de level design. Si on l'étudie, on se rendrait compte que à chaque fois on va toujours trouver des objets pour nous aider, on va toujours avoir un chemin pour nous aider à sortir. Enfin, c'est il y a une maîtrise dans certains aspects comme ça. Oui, on pourra les citer en exemple, mais le jeu en tant que œuvre globale, c'est vrai que bon bah je sais pas si on en parlera. Alors, si on se trompe, tant mieux, ça sera peut-être l'occasion, tu vois, d'en reparler dans un futur épisode ou un truc. Mais là, au début 2021, il y a eu The Last of Us 2 en 2020 et j'ai envie de savoir maintenant ce que vont faire Naughty Dog. C'est une nouvelle génération, j'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire. Tout en sachant qu'il y a désormais cette connaissance. On n'a plus, en fait, moi c'est peut-être ça aussi qui est difficile, c'est que j'ai plus cette innocence de me dire ils font ces jeux et c'est génial et à la fin tout le monde est content. Non, non, à la fin, il y en a la moitié, ils ont divorcé, l'autre moitié, ils ont besoin de vacances pendant plus de 6 mois parce qu'ils n'en peuvent plus. Et là, j'ai commencé à lire un bouquin sur Halo qui sera un épisode qu'on viendra plus tard. Et en fait, je me rends compte plus ça va que le jeu vidéo détruit des vies et je commence à me mettre en relation, tu vois, le poids de est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner la suite de Naughty Dog. Peut-être qu'on va assister à un changement de fonctionnement de ces gros studios. Peut-être qu'ils en ont besoin. Est-ce que j'y crois pas trop, on va pas se mentir, parce que de toute façon on verra. De toute façon, ils avaient a priori déjà voulu faire des choses par rapport au crunch après Uncharted 4. Ça n'a pas marché parce que open world et ça s'est pas bien passé. Voilà, j'espère que ça se passera mieux pour le prochain maintenant. Voilà, pour moi, c'est un studio qui est, comme tu dis, croisé des chemins, qui est arrivé un peu au bout de sa formule et bah, j'ai envie de savoir, j'ai envie de les voir explorer d'autres choses et mettre tout ce talent, parce qu'ils ont du talent malgré tout, tout ce savoir-faire qu'ils ont, et éviter de cramer des gens et le mettre dans des créations qui nous surprennent un peu plus, voilà, tout simplement. Ce sera tout. Écoutez, c'est voilà, pas mal, c'est ouais, ma commande. Un café, oui, voilà, un petit café, écoutez, l'addition. Je vais prendre ça et puis voilà, rendez-vous. Allez, en 2024, ce sera l'épisode 158 de fin du game RDV à ce moment-là pour parler du prochain jeu Naughty Dog. Non, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas du tout pour l'instant où on en est. On vous remercie. Si celui-là, on l'a dès maintenant. Vraiment, c'est flippant. J'appelle vraiment le pouvoir. Tu vois, je monte à un autre niveau. On vous remercie de nous avoir écoutés aussi longtemps pour cet épisode de rentrée. Voilà, c'était un épisode particulier. J'avais prévenu que ça allait être dense, au moins c'est fait, tu vois, on s'était pas trop trompé. Merci de nous soutenir, pardon, sur notre page Patreon. On va continuer l'année, gros programme. T'as parlé de Halo, c'est le prochain épisode, on peut le dire, qu'on parlera de ça. Merci également à Sœur d'édition. On vous rappelle, allez sur leur site encore une fois. On sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés pour Noël chez Sœur d'édition. Oui, on a vu les photos, c'était super. On a vu les photos, voilà, que vous êtes régalés. Et d'ailleurs, on peut le dire, on a quand même globalement des bons retours, hein, c'est pas pour rien. On sélectionne nos sponsors avec soin, on sait que c'est de la qualité. On l'avait dit dès le début quand on a commencé avec eux, le rapprochement il avait du sens. Alors bon, évidemment moi je suis jugé parti vu que j'ai des bouquins chez eux, mais le fait est qu'ils ont cette approche du jeu vidéo, on en a une qui est peut-être pas tout à fait la même, mais on a la même volonté, on a la même envie. Donc c'est cool si vous vous y retrouvez, et a priori vous aurez l'occasion bientôt de lire quelque chose sur The Last of Us de Schaeffer, dont on vous en parlera dans un futur épisode. Exactement. On se retrouve dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. Bisous. Salut. Ciao.